copine de Doc, un catoche, et on l'a puni. Je l'ai envoyé à RTL2 pour aller prendre d'assaut l'antenne en direct. Parler de Loïc Fun. Ce sera juste avant 22h, mais d'abord, on va appeler le grand gagnant de ta tablette que tu as gentiment, par pure générosité. Voilà, tu en avais plusieurs à la maison. C'est surtout que j'aime pas quand j'ai des choses comme ça qui ne servent à rien. Bah voilà. Ça peut servir à quelqu'un, c'est quand même stupide. Alors, je fais pas de conserve chez moi. On appelle le ou la gagnante qui a entendu le mot magique. Salsifie. Qui décroche ? Il ou elle a été la première. Allô ? Allô ? Allô ? Salut, comment tu t'appelles ? Roman. Ça va, Roman ? Salut. Ça va très bien, et vous ? Qu'est-ce que tu fais, Roman, là, en ce moment ? Moi, je suis chauffeur routier. D'accord, tu nous écoutes dans le camion, dans la cabine ? Exactement. D'accord, tu sais où t'es, là, hein, t'es... Comment ? Tu sais où t'es, là ? Là, je suis entre Non, mais à qui tu parles ? Ah oui, c'est ça, Doc. Et t'es dans quelle émission ? Ah, sur Fun Radio, et j'ai entendu le mot magique. C'est quoi, le mot magique ? Ça le suffit ! Bravo ! Wow. Roman, fais sonner ton camion. Fais klaxonner ton camion. Attendez, je vous vais peut-être pour vous. Vas-y. Ah, j'adore. Roman, bravo à toi. Bravo, Roman. Que tout le monde sache autour de toi que t'as gagné une tablette. On t'envoie la tablette du Doc. On va mettre en fond RTL2. Et si vous voulez voir Kassim qui va aller sur RTL2. Bravo. Attendez. Vous feriez bien de rester chez vous. Écoutez. En ce moment, si vous faites les malins, ça va chier les Fun Radio. Merde, on a raté. Tu sais ça. J'avais fait ton temps et je me suis dit, tu sais ça, on va être tranquille. Tu veux que je balance tout? Si tu veux, mais on est en direct à la fois sur RTL2 sur Fun Radio. Là. Facebook Live. Mais on se laisse pas emmerder, nous, ici à RTL2, par les petites Fun Radio. Et puis tu dégages et je prends ta place, ok? Ah bon, carrément. Ah ben, tu vas il est insolent. Non, attends, on va en l'air, s'il va aller faire la réalisation sur RTL le matin. Faut pas le dire, ça. Ah bon? C'est trop tard. T'as bien déconné là. Bah là, ouais, on t'entend, le carré t'entend. D'accord. Et vous avez pas le sable dans l'arrêt là, Ibiza là oui. Demain, on aura le sable dans l'arrêt. Ah bah voilà, parce que Ibiza, c'est ça quand je même. Je te ramènerai un peu si tu veux. Ça gratte, j'ai horreur de ça, moi. J'ai horreur de ça. Vous avez pas un peu de boulot là? Non, bah on est bien là avec toi. Ils ont fini, je crois. Ils ont fini en fait. Ils ont fini là, tu crois? Bah ouais, ils ont fini. Ils t'entendent là, ils t'écoutent. Est-ce que t'as un message pour ta femme? J'arrive pour la vaisselle, parce que tu parlais de vaisselle avec ta femme tout à l'heure. J'arrive pour la défoncer à la maison. Ah ok. Ils sont pas habitués sur RTL2. Non, sur RTL2, ça doit être assez choquant, je pense. Tu sais, t'as tous les auditeurs qui sont choqués. Mais qui lui? Et vous pouvez suivre Kassim qui est en train de pirater donc l'antenne de RTL2 en direct. Défi sur réalisé. Facebook. Sur le Facebook Live, ouais. Exactement. Le Facebook de l'émission. Bon, on va laisser la place aux filles, là. Marion et Anso. Bonsoir, les filles. Salut, les filles. Bonsoir. Oh, salut. Vous êtes prêtes pour Ibiza? Ah ouais, de ouf. Vous avez pris vos maillots de bain, les filles? Ouais. Vos plus belles tenues? Oui. Moi, j'ai rien préparé encore. Hein. Attends, mais ma valise, elle est prête depuis hier soir. Quand on part à 7h avec Anso demain. Ouais, on se rejoint à 7h à la radio parce que Karel a peur des embouteillages. Absolument. Non, attendez, je vous dis, parce qu'on doit être à Orly West à 8h30 du matin. Oh là donc là les là. Gars, on part du 8e arrondissement à 7h du mat. Il faut lui dire, dans ce sens-là, il n'y a pas d'embouteillage. C'est dans l'autre sens. Mais tu sais, t'emmerdes pas, rejoins-nous à 4h du matin. Ça nous fera une bonne vanne pour demain si jamais on arrive en un quart d'heure. Hein, tu vois. Et surtout, ça vous laissera le temps de vous pécho depuis le temps. Ah bah oui, bien sûr. Mais tu sais, c'est déjà fait depuis longtemps. Allez dans les parkings d'Orly, vous allez voir des scènes. Gros bisous les filles. Et demain, on se retrouve à Ibiza avec toute la team Fun Radio. Gros bisous les filles, amusez-vous bien. Ciao. Bisous. Salut. Un jour, les deux inventeurs du night show eurent une terrible dispute. Elles séparèrent donc leur vocabulaire en deux styles distincts. Chez Franche Brune, on dit... Ils ont déjà vécu ça, alors pas forcément avec un musicien tatoué. Oui, j'ai dit tatoué. Chez Franche Blonde, on dit... Attends, mais c'est la frère ou de qui la sœur. La Franche Brune respecte les auditeurs. J'ai une petite anecdote vous concernant. Oh putain, ça va être long cette histoire. La Franche Blonde, elle, bafouille au lancement du disque. Puis Amir, qui sera notre invité d'ailleurs mercredi soir. Excuse-moi, tu vas mettre les mots dans l'ordre ou pas? Aujourd'hui, elle ne partage plus rien, sauf un homme sourcil et une émission. Goûtez les deux et faites votre choix dans... The Night Show. The Night Show. C'est du dimanche au jeudi, 22h minuit, sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio, c'est Marion et Anso. Mais les gars, il y a du public qui rentre là à 22h02. Émission spéciale ce soir, bienvenue le public. Salut. Ils sont beaux, hein. Ouais, ils sont beaux. Bonsoir. C'est des beurs. C'est le Night Show 22h minuit du dimanche au jeudi. Yes. Et c'est un vrai kiff de vous retrouver pour la dernière de la semaine. C'était une petite semaine, mais c'est parce que demain on part avec toute l'antenne à Ibiza et on vous réserve de grosses surprises là-bas. On va se marier. Ah ouais, je pense que ça va être un truc de ouf. On va faire de la vidéo, on va faire du défi, on va squatter les autres émissions, clairement. Ouais, je pense, ouais. On va vous ramener du contenu et évidemment, on débriefera de tous les dossiers ce week-end. C'est promis parce que nous, on est encore là jusqu'au 30 juin. Il y a un truc qui me dit que ça sent gros dossier. Bah alors surtout que moi j'ai un peu peur parce que c'est mon anniversaire demain. Ouais, c'est ça. Et donc je connais quand même un petit peu les copains de Fun Radio et je me dis que je risque de manger un peu. Ah c'est alors, sûr. Justement à ce propos, comme c'est ton anniversaire demain et qu'on n'est pas à l'antenne, on voulait quand même le fêter un peu avec toi ce soir. Donc c'est pour ça qu'on t'a tous offert tes petits cadeaux aujourd'hui. Vous êtes des amours, j'ai eu vraiment des beaux cadeaux premier degré. J'ai eu des bougies, du maquillage, une manchette. Vraiment merci beaucoup, vous êtes une équipe au top. Et puis donc du coup je sais pas si tu diras ça encore à minuit parce que t'as prévu 2-3 surprises dans cette émission. Ah non. Donc si vous ne connaissez pas Marion, elle a fait 2-3 boulettes à l'antenne cette année, tout le monde cette saison. Ça c'est pas sympa parce donc, que ça me met pas en valeur. Forcément on réécoutera tous ses meilleurs moments, ça c'est cool quoi. Ah non, t'abuses. Et mais franchement c'est pas cool, j'avais pas fait ça pour toi, moi je t'avais acheté une licorne. Mais c'est normal, en même temps on était le 30 août et on avait commencé le 22. Oh t'avais déjà fait des boulettes hein. Je te rassure. Bon en tout cas dans cette émission ce soir on aura aussi Justine au téléphone. Alors, Justine, il lui arrive un truc, mais je vous explique, horrible. Quoi ? Elle a développé des sentiments pour le mec de sa mère. Oui, elle est amoureuse du nouveau copain de sa mère, donc c'est pas son père, hein, rassurez-vous, mais c'est quand même la mère. Ouais, parce que sinon, ça serait quand même très chelou cette émission. Et puis on vous dira aussi dans Night Show ce soir si vous êtes un bon coup ou non. On a trouvé le test à faire pour savoir si vous êtes un bon coup. Donc si vous voulez vous inscrire, participez à l'émission, un seul numéro, il est totalement gratuit en plus, 01 42 48 5000. Et alors pour le son, je sais pas si c'est parce que c'est mon anniversaire ou pas, mais que des nouveautés quoi. Ah bah ouais. Le nouveau Axwell In Grosso. Ça sent Ibiza, ça, les gars. Et le nouveau Michael Canitro, le poteau. Ça sent Ibiza, ça, les gars. Ça s'appelle Sucker for Your Love, qui veut dire Anso. Sucer pour ton amour. J'étais sûre qu'elle allait dire ça. Ça veut dire quoi, Sucker ? Bah, ça veut dire ça. C'est vrai ? Bah, Sucker, c'est suceur, donc. Ouais, mais je pense que si la traduction, si on la prend pas mot pour mot, ça veut pas dire ça, quoi. Bah, ça veut dire quoi, alors, Manu à l'aria ? On va chercher. Ouais, d'accord. Bah, écoute, il a fait un titre, Sucer par amour, et il a le droit. Bah, écoute, en tout cas, Mickaël, vas-y, quoi. Il fait ce qu'il veut. Bonsoir, Amir des réseaux sociaux. Salut les filles, comment ça va ? Bah, bien. Et toi ? Je crois que je suis en train de me faire détester de plein de potes. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert une application, les filles. Et c'est une application qui fout un petit peu la merde. Je sais pas si je veux donner le nom parce qu'en fait, en gros, l'application, elle envoie à tes potes par SMS, elle te spoil Game of Thrones. Game of Thrones. Si, ouais. Alors attends, mais juste Game of Thrones ou toutes les séries ? Alors pour l'instant, c'est que Game of Thrones. Ouais. Et en gros, enfin moi je l'ai acheté genre je sais pas 99 centimes sur l'App Store et puis tu dis enfin tu demandes à ton pote où il en est dans Game of Thrones en mode pote hein, tu vois. Ouais. Tu le mets dans l'appli et puis bim, ça le spoil. Mais c'est horrible. Ah ouais, c'est dur. Personne veut faire ça, c'est horrible. Ouais, mais c'est ça peut être marrant. Attends, personne veut faire ça, Marion qui est en train de spoiler tout le monde sans arrêt sur tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai, mais moi j'ai le droit, c'est mon truc. Ouais, tu peux aussi envoyer un SMS anonyme. Ah, mais c'est encore pire. Et du coup, au moins personne sait que c'est moi. Allez, vas-y, balance le nom de l'appli quand même. Spoiled. Spoiled, tout simplement. Ouais, c'était compliqué à trouver. Ah non, c'est facile, hein. Spoiled. Allez, téléchargez ça, vous allez voir. Envoyez ça à vos potes. Envoyez ça à Marion et Anso avant qu'ils fassent. Bah, ils ont pas nos numéros. Il est con, lui. Qu'est-ce qu'il est bête. Et parfois, il manque de gingin quand même. Ça vole pas haut. C'est quand même fou, ça. Je suis gêné là. Bonsoir, Mano. Bonsoir. Ça va ? Ouais, I'm not a sucker for your love, qui veut dire je ne suis pas un imbécile en amour. Ah merde. Ah oui, ça Enfin, c'est dire beaucoup plus marrant, tu sais, par amour. Ouais. On les garde. Attendez, vous savez que Mano s'est fait reconnaître aujourd'hui dans les boutiques. Mais non ! Si. Ah oui ! Ouais. J'ai acheté un jean cette saison, évidemment. Et du coup, j'étais à la caisse et il y a un gars qui fait c'est Mano du Night Show. Et ouais. Vous me connaissez, hein, j'étais très gêné devant la caissière. Mais je l'embrasse, il était très sympa. Et il nous écoutait en cachette, ce que je lui ai dit tu peux venir à nouveau en studio. Il fait ouais, mais. Je sais pas, mon père, il sait pas que je vous écoute et tout. Et il s'appelle comment ? Eh ben, j'ai pas son prénom. Ok. Mais tu sais, il demande rien d'essentiel, lui. Alors, moi, je vais en profiter pour faire une dédicace à mon chauffeur Uber du jour, qui était un amour, qui nous écoute tous les soirs, qui s'appelle Mario. Et du coup, qui t'adore et qui écoute l'émission tout le temps. Eh bien, tu sais quoi, Mario ? On va te dédicacer cette chanson Sucker for Your Love. Et con, ouais. Enzo, standard, bonsoir. Salut les filles, salut les fratés. Ah, ça va. Chiant. Enzo, est-ce que tu t'es fait reconnaître aujourd'hui? Ouais, par ma mère ce matin. Ma grâce. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, Enzo, il est chaud parce que demain c'est Ibiza, il en veut plus. Hein. Ouais, ça y est, là j'ai sorti des préservatifs, tout ça. Arrête. Pas du tout. Ta meuf. Pas du tout, mais non, mais c'est une vanne. Ouais, et ta meuf, c'est le pire tyran du monde et t'oses dire ça sur une antenne nationale? Bah, en fait, on fait un métier de divertissement, donc on est là pour faire rire les gens. Ouais, mais à l'antenne, d'accord. Enzo. Hein. Oui, oui, ah oui, mince. Bon, présente-nous le premier auditeur de ce soir. Alors, c'est Céline, elle a 19 ans, elle habite à Paris. Et les filles, ce week-end, elle va pécho grave. Quoi? D'accord. Ouais, elle va pécho ce week-end. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, je m'appelle. Ça va, oui. Je m'appelle Céline, j'habite Paris, j'ai 19 ans. Et. Céline. Je pense que je vais être pécho, hein. Je vais être pécho ce soir. Alors attendez, je vous explique. Oh, c'est ma grand-mère. Comme on sera à Ibiza demain, on peut pas faire de surprise demain à Ibiza parce qu'on sera avec JB, tout ça, toute l'équipe. Donc vous le savez, dans l'émission, Mamie Annette, c'est le running dans cette émission parce qu'elle écoute très souvent et souvent à des moments gênants. Et donc c'est Mamie Annette qui vous a souhaité un bon anniversaire avant tout et qui ouvre cette émission ce soir. Ah, salut Mamie. Bonjour Mamie, bonjour. Mais oui, mais rassure-moi, tu vas pas pécho, hein. Ah mais c'est trop mignon. Mais alors attends, mais qui a géré ça? C'est Amir? Ah non, c'est Mamie Annette qui a appelé. D'accord. Non, c'est pas Amir, on a fait ça autrement. Bon, et Annette, c'est Anso qui est en train de vous parler. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous en pensez de cette émission là? Quand vous nous écoutez avec Marion, est-ce que parfois vous êtes un peu gênée ou on vous fait rire? Oui, des fois c'est un peu lourd, hein, mais enfin je m'adapte bien. Oh, c'est gentil. Ouais, ça va, on te fait rire quand même. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Bon, ah, bah, vous êtes trop mignonne, Annette. Ah, mais je l'ai reconnue direct, t'as vu ce petit accent? Bah ouais. Ah bah voilà, c'est ça, ça peut marcher à cause de ça. Hein. Mais je trouve qu'elle a une voix hyper jeune, ta mamie. Hein. Oui, bah elle est jeune, elle est fraîche. Hein. Oh bah oui, elle est très jeune. Et alors, c'est quoi là? Il y a Tati et tout autour de toi? Oui, il y a Tati et Pitata qui te souhaitent. D'accord. Il vous écoute. Merci. Franchement, Marion, entre nous, t'as la meilleure mamie du monde là. Attends, c'est un amour. Mais bon. J'ai peur là. Il y a toute la famille qui va débarquer ou pas? Parce que ça me gêne. Non. T'inquiète pas. C'était juste Mamie Annette parce que c'est devenu un personnage dans cette émission. Ouais. Oui, mamie. Oui, c'est gentil. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. Et ben, je vous embrasse bien fort, Annette. Merci, mamie. Merci de rien. Bisous. Là, on fait une belote, tu vois, pour d'accord. Putain, je ne sais pas. La belote en nous écoutant, c'est parfait, quoi. On vous embrasse. Bisous on à tout le monde. Deux, on fait les deux. Bisous. Donc, on vous embrasse. Allez, à bientôt. Bisous, non, mais elle est trop chou. Hein. Ah, c'est un amour. Oh, elle est trop chou. Ah, trop mignon. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va parler de notre départ à Ibiza. Vous le savez, on part demain. Et on voulait savoir quel défi vous aimeriez nous lancer là-bas. Oui. Ça peut être tout et n'importe quoi. Lâchez-vous. Appelez-nous. 01 42 48 5000. On se retrouve après Momin. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had these grooves. Cosmic love gave you something. something less or something more. Vous êtes sur Fun Radio, il est 22h14, c'est Marion et Anso, et ne bougez pas parce que ce soir on a du gros dossier. Ouais. On a Justine tout à l'heure qui est amoureuse du copain de sa mère, du nouveau mec de sa mère, donc c'est une tanasse. On vous a préparé un petit test pour savoir si vous êtes un bon coup ou pas. J'espère que mamie Annette n'écoutera plus à ce moment-là. Bah, ce serait cool qu'elle nous appelle pour faire le test. Si vous voulez le passer, 01 42 48 5000, il y aura du pourquoi tu m'appelles, du je te demande pardon, enfin tout ça quoi. Et puis un petit peu de surprise, parce que je vous rappelle que Marion fête son anniversaire demain, mais comme on sera à Ibiza, on a prévu des trucs pour Marion à Ibiza demain sur l'antenne de Fun d'ailleurs, donc soyez là tout au long de la journée, et on en a prévu un petit peu aussi ce soir, mais du truc gentil quoi. Mais quand? Bah tu verras, laisse-toi guider petite femme. D'accord. En tout cas, en parlant d'Ibiza, on s'est dit tiens, puisqu'on part, ce serait cool qu'on se fasse des défis Snap. Oui. Sur Snapchat, comme ça vous allez pouvoir nous suivre, et chaque membre de l'équipe pourrait faire un défi, ou alors un seul défi de groupe, je sais pas. En tout cas, venez nous en proposer. 01 42 48 5000. Et avec le hashtag aussi, hashtag le night show à Ibiza, vous nous en proposez, on va en choisir un sur les réseaux et un par téléphone. Donc allez-y. Et ça a bien réagi, il y a déjà Sandra de Tours qui est avec nous là. Bonsoir Sandra. Bonsoir toute l'équipe. Ça va Sandra? Ça va, ça va. Alors Sandra, le défi il est pour qui et c'est quoi? Alors moi il est pour Anso. Mmh. Ouais. Et en fait, Attends Sandra, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est un défi qui va mettre mal à l'aise, ou un défi en rapport avec les mecs? Avec les mecs? Ouais. Ouais, j'aimerais bien en fait la voir draguer des mecs, mais en espagnol. Ah oui. Alors ça, je valide tout de suite. Ouais. Parce qu'en plus Anso, elle a une maîtrise de l'espagnol, bah magnifique. Hein. Ah bah oui, podemos metras your lengas dans ma bochas. Ah si. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. On va voir ce que vous avez à proposer, mais celui-là, je le prends. Ouais, mais c'est compliqué quand même. Hein. Bah ouais, mais c'est drôle. Tu vas aller voir des Espagnols, les draguer un peu. Mais Sandra, t'as bien conscience que si ce défi est pris, je vais y réussir à choper aucun mec. Elle s'en fout. À l'occasion d'avoir un autre défi. Elle veut juste que tu t'affiches en fait. Ouais. Cela dit, je pourrais essayer de draguer en beurre aussi là-bas pour voir si ça marche. Ouais, la technique du beurre. Allez, le beurre international. Ouais. Et bah écoute, moi j'aime beaucoup Sandra. On note. Sandra, tu restes avec nous. On va voir si c'est ton défi qui est sélectionné, d'accord? Pas de soucis. Ne bouge pas. Il y a Andrea aussi à Cagnes-sur-Mer. Bonsoir Andrea. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors moi j'ai un défi pour Marion. Uh-huh. Ça serait de faire une émission à Ibiza, pendant que vous allez faire une émission, faire une imitation de Johnny Hallyday. Attendez, parce que si vous venez nous rejoindre, on vous explique. Hier soir dans l'émission, Marion nous a fait une imitation de Johnny Hallyday. Mano à l'arrière, on peut réécouter? Salut, c'est Johnny. Franchement, c'était pas si mal. Hein. Ce serait cool vendredi matin entre 6h et 9h chez nous. Non. Salut, c'est Johnny. Ah, non, mais alors, je peux essayer de la travailler. Oui, si ce défi est sélectionné, je travaillerai un peu plus qu'une phrase. Promis. Ah, franchement, ça me fait rire l'équipe. Ça vous fait marrer ou pas? Bien sûr. Bah, ouais. Moi, je préfère voir Anso draguer. Anso, ouais. Moi aussi. Moi aussi. Andrea, tu bouges pas. Hein. Est-ce que ça serait possible de faire une dédicace? Oui. Alors, je fais une dédicace à mon frère, Rémi, qui m'écoute. Alors, après, à mes potes, Joao, Théo. Et à tous mes potes. Et est-ce que ça serait possible d'avoir un pack fun? Oui, bien sûr, on gère ça. Entre passe Enzo, bichon. Merci. On t'embrasse, Andrea. Ciao. Bisous. Bah lui du coup il peut raccrocher, parce que visiblement vous êtes pas chaud sur ce défi. Bah moi non, je préfère te voir draguer après. Bon, Andrea reste avec nous quand même. Il y a Camille de Caen qui est avec nous. Bonsoir Camille. Salut Marie-Manso. Ça va Camille? Oui, très bien, et vous? Ouais, très bien. Dis-nous tout, c'est pour qui le défi? Pour tous les mecs de l'équipe, j'avais une idée, c'est qu'ils fassent tous un bain de minuit à poil. Ah, c'est pas mal aussi ça, hein. À tous les mecs de l'équipe, moi j'adore. Ah ouais, à poil et tout filmé, ça me fait rire. Un bain de minuit. Et je suis allée à Ibiza il y a pas très longtemps. L'eau est très froide, hein. Ah bon? Ouais, parce que c'est pas parce qu'on est en Espagne là, à cette époque, l'eau franchement faut y aller, hein. Mais genre combien? Bah genre 20 quoi. Ah mais c'est cool, vous n'aurez plus de sexe les gars. C'est quand même cool. Bah moi j'aime bien aussi celui-là. On le garde aussi, en réserve. Ça veut dire Mano, Enzo et Amir à poil qui courent dans l'eau. Moi j'adore. Non mais moi je filmerai parce qu'il faut quelqu'un. Non. J'ai une GoPro qui va sous l'eau. C'est bon, t'inquiète. Les trois garçons dans l'eau, ça peut le faire. Continue aussi sur les réseaux avec le hashtag Le Night Show à Ibiza. Pour l'instant, on en a deux en liste. Ouais. Camille, tu restes avec nous parce que t'es bien partie là. D'accord. Allez, bouge pas. Il y a Alex aussi à Paris qui est avec nous. Bonsoir Alex. Bonsoir, salut Marlon, salut Anso, salut toute l'équipe, ça va ou quoi? Salut, oui, et toi? Ça carbone, ça va super. Alors, moi j'ai un petit défi, c'est pour Amir. Ouais. Et ça serait d'embrasser le maximum de meufs. Non, celui-là on va pas le prendre. Pas mal. C'est les Espagnols à embrasser ou pas? Bah ça change quoi? Caliente, hein. Mais attends, Amir, que tu embrasses une Française ou une Espagnole, ça reste une femme. Bah oui. Je crois que les Espagnols sont très très belles. Hein. Mais je le ferai pas, mon pote. C'est pour ma sécurité. Ouais, je crois. Ta survie. Ouais, Alex, je pense que c'est chaud ça. Ouais, c'est chaud. On va éviter. Mais peut-être des mecs, par contre, ça peut me faire marrer ça. Ah ouais, mais avec la langue ou pas la langue? Non, pas la langue. Ouais. Des petits smacks à des Espagnols. Ouais, vous voulez dire que je vais toujours trop loin, c'est ça? Ouais. Bon, on l'oublie celui-là. Ouais, je pense. Ouais, ok. Ouais. Mais Alex, on t'envoie quand même un pack fun parce que c'était une bonne idée. On t'embrasse. Ah, top. Merci. Bisous. Bonne soirée. Est-ce qu'on a de la réaction, Amir, avec le hashtag Le Night Show à Ibiza? Ouais, Antoine, 31, qui dit allez faire un chabit à Martin Solveig. Mais maintenant, en fait. Ah, c'est génial. Ah non, mais c'est génial. La vidéo, elle serait magnifique. Non, mais les gars. Ça... Bah quoi? Et puis personne ferait un chabit à. Bah moi, j'y vais pas. Alors, un tire mon doigt. Ah tiens, bah il va rien faire aussi. c'est ça. Tu vas tirer son doigt, mais il va rien faire. Et puis imaginez les boss de Fun Radio si on lui fait un chalice. Bon, alors celui-là on prend pas, ok. Faire des sourcils d'Amir, l'emblème d'Ibiza. Non, c'est nul. Ouais. Emmener Wacha et lui apprendre l'espagnol. Ah, bébé chat. Bah non, on peut pas emmener un chat enfin. Bah non, puis on peut pas, non. Non. Emmener Mano et se débarrasser de lui là-bas. Ah ouais. J'aime bien ça. Moi je reste là-bas volontiers. Genre on le sème. Et jeter Enzo dans la mer pour lui laver les cheveux. C'est pas facile ça. Ah ouais. C'est pas mal aussi. Ouais, hein. C'est facile mais tout nu sinon c'est pas marrant. Ça rejoint le bain de minuit quoi globalement. Bah oui, exactement. Ah, on a des auditeurs qui sont venus nous voir dans le studio ce soir. Est-ce que vous avez des idées de défis qu'on pourrait faire à Ibiza? C'est risqué hein, quand on les a pas prévenus avant. C'est pas. Ouais, ils ont pas l'air inspirés. Non, vous êtes pas inspirés? On est sur quelque chose qui sèche. Hein. Les bichons ils sont timides. C'est normal, ça fait peur. Bon, moi je pense que Anso qui drague les mecs, franchement. Non, les gars, s'il vous plaît. Si. Non. Si, alors, excusez-moi, mais est-ce que ce serait pas marrant de voir Enzo, Amir et Mano en bain de minuit et nous en fourrir sur la plage? J'ai pas dit qu'on allait sélectionner qu'un défi. Ah, ben si. Donc, non. Moi je propose deux défis, puisqu'on a eu aussi sur les réseaux le bain pour Anso. On fait, pour Enzo, on fait Anso qui drague les mecs en espagnol et les garçons de l'équipe, bain de minuit à poil. Okay. Ça vous va ou pas? Ouais. Bon, et moi, non, du coup, mais... je m'en sors hyper bien, quoi. Mais moi, ce sera mon anniversaire, je vais manger toute la journée. Non, mais tu seras avec moi pour les mecs. Hein. D'accord. S'il te plaît, quand même. Ok, bon, je fais ça avec toi. C'est Sandra qui avait proposé mon défi, c'est ça? Oui. Oui. Et qui avait proposé le défi des mecs à poil? C'était Camille, je crois. Camille, c'est toi? Oui, oui. Eh ben, les deux, on vous envoie du cadeau. Alors, quoi, ouais. Amir. Yeah. Ouais, yeah. Ouais, vous partez à Ibiza. Bon, on n'avait rien prévu, mais on va trouver des cadeaux, il n'y a pas de souci. Hein, Amir? Il est ravi. Ouais. Amir, donne comme ça un cadeau à Brûle-Pourpoint. Tu veux partir à Astérix? Où ça? Au parc Astérix. Ah oh, oui. Voilà. Et ben voilà, les deux, vous partez au parc Astérix, les filles, on vous embrasse. Bisous. J'espère qu'elle se déplace. Ouais, alors là, je vous explique. Amir est en train de se décomposer. Il vient d'offrir un cadeau. On ne sait même pas si on en a en stock. Hein. Mais si, ouais. Hey, ça va, on est une radio. On peut trouver 4 places pour le parc Astérix. Mais non, c'est 8 là. Hein, parce qu'elles sont 2. Hein. Ouais. Ouais. Non, t'inquiète. Mais oui, de toute façon, on l'a dit, on va le faire. Bien sûr que c'est bon pour Astérix, ma chérie. Non, mais sinon, ce qu'on fait, c'est que tu sors ta carte bleue, tout simplement. Voilà. C'est ce qui va se passer, je pense, de toute façon. Bon, donc, on s'arrête sur ça. Je vais aller draguer de l'espagnol et les garçons, bain de minuit. Voilà, et je t'accompagne pour t'aider. Donc, du coup, pour suivre les défis, il suffit de nous suivre sur Snapchat. Ouais. Marion et Anso. On postera aussi les vidéos sur les pages Facebook et tout. Bah oui, on va les enregistrer, on les mettra partout. Évidemment. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le What You Love qui va débarquer. Et si vous avez un papy ou une mamie à faire rapper sur l'antenne, vous vous inscrivez Marion et Anso @funradio.fr. Il faudrait qu'on le pense à le faire avec Mamie Annette, d'ailleurs, Marion. Arrête. On a eu au téléphone tout ça. C'est bon maintenant. La coquine. Sans respect. Bon, dans un instant, c'est le What You Love. Donc, juste après Major Lazer, on écoute Boom sur Fun. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be up there, need a pile of. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfucking day. Let me drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home. Rider. Break a cup, she a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar, where you a go do? Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club, me introduce them to each other. Other, other, man a gal is, I'm in stanta forever. Nouveaux auditeurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes dans Marion et Anso, le Night Show, on est en direct jusqu'à minuit. Et Marion, j'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Oui, effectivement, parce que demain c'est ton anniversaire. Oh. Et j'ai déjà un cadeau pour toi. Vas-y. Et d'ailleurs, toute la communauté d'Angers, la communauté angevine a un cadeau pour d'accord, toi. Ça pue la grosse connerie. Non, non, non, franchement, c'est un truc qu'on a découvert avec Mano et qui nous a beaucoup fait rire. C'est un groupe angevin qui a créé ça pour inciter les gens à venir passer des vacances à Angers. Écoute, d'accord. Ça donne ça. Sans déconner, j'adore. Et alors donc du coup, on va vous mettre le lien évidemment sur notre page Facebook Marion et Anso sur Fun Radio. Et vous allez voir, ils parlent de plein de trucs d'Angers qui vont probablement te parler d'un supermarché, d'un parking, de plein de trucs. Mais Et je trouve que ça rentre grave dans la tête. Sauf que c'est des gros mythos parce que Angers l'été, c'est de la merde. Hein. Je te jure. Oh j'adore. Est-ce qu'on pourra les inviter? Ah bah pas là, non. Ton grand-père qui rappe, ta grand-mère qui pose un flow. Wesh, c'est le YTF. On reste dans le domaine musical tout ça, puisque le YTF c'est le moment où vous faites rapper votre papy ou votre mamie sur l'antenne de Fun Radio. C'est facile, on écrit un texte avec vous, on vous aide. Si vous n'avez pas d'inspiration, c'est pas grave, on est là pour ça. Et on a un auteur surtout qui est payé pour ça. Donc allez-y, n'hésitez pas pour vous inscrire, il en reste un la semaine prochaine. Marion et Anso @ funradio.fr. Et c'est Marie qui est avec nous d'Avignon. Bonsoir Marie. Bonsoir Anso, bonsoir Sophie, bonsoir toute l'équipe. Alors, Anso et Sophie sont la même personne. Voilà. Pardon, excuse-moi, c'est le stress. Mais c'est pas grave. Donc moi, c'est Marion et je suis enchantée. Ça enchantée. Va, Bichette? Ça va, et toi? Ouais, t'as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans, d'accord. Et donc, on va faire rapper papy ou mamie? Mamie. Qui a quel âge? Qui a 65 ans. Ah, oh, ça va, jeune mamie. Oui. 65 ans, ouais, c'est vrai. Oh, ouais. En pleine forme. Elle a pas perdu de temps, mamie. Hein. Elle est cool, non. Mamie, ou pas? Trop cool. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Roselyne. Roselyne, donc il faut qu'on la renomme, parce qu'évidemment, c'est pas très swag, Roselyne. Comment on peut l'appeler, l'équipe? Il faut qu'on lui trouve un blaze. Oh, MC... MC... MC Rosie. Ah, MC pas mal. Rosie, ouais, c'est simple, mais ça passe. Monsieur Rosie. Monsieur Rosie, ça rime. Allez, on y va, on l'appelle. Bon, on appelle Rosie. Tu lui as écrit un texte, Marie, du coup ? Oui. Ok, super. C'est bien, Marie. Elle est autonome, tu vois. Et du coup, tu lui as mis des trucs un peu olé olé dedans ? Ouais, un peu, mais pas trop quand même. Truc qui met bien à l'aise, quoi. Ouais. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Allô, Roselyne ? Oui, c'est moi. Bonsoir, bonsoir Roselyne. C'est Marion et Anso, vous êtes en direct sur Fun Radio. Oui, bonsoir. Mais, ça va, Roselyne ? Ça va, ça va. D'accord. Bon, est-ce que votre petite fille vous a expliqué comment ça allait se passer ce soir ? Oui, elle m'a expliqué. D'accord. Vous avez quel âge ? J'ai 65 ans. D'accord. Et est-ce qu'il y a un monsieur Roselyne ou pas ? Ben, monsieur, il n'est pas là. Ah, d'accord. D'accord. Mais il existe ? Il existe. Bon, alors d'accord. C'est bien déjà. D'avoir un homme dans sa vie, c'est toujours bien quand même. Faites attention quand même sur le question dans ce stade-là. Hein. C'est vrai. Ça peut être sur un décès. Quoi. Ouais, ça peut bon. Servir. Roselyne, alors, je vous explique. Enfin, vous connaissez le principe en même temps. Marie, votre petite fille, vous a tout expliqué. Oui, voilà. Elle m'a tout expliqué. Il n'y a pas de souci. Alors, vous vous appelez Roselyne et pour vous encourager là dans l'équipe, on vous a renommé. Oui. Nous avons renommé MC Rosie. MC Rosie. Tout à fait. Voilà. Vous avez une jolie voix. Hein. Ah bon, c'est vrai ? Oui, une voix jeune et fluette. C'est vrai. Ah bah pourtant, je suis pas jeune. Hein. Oh. Bah ouais, c'est ce qu'on nous a dit, mais en tout cas, vous avez une très belle voix. Bon, MC Rosie, est-ce que vous êtes prête à rapper ? Il y a pas de souci. L'équipe, suis prête, hein. L'équipe, je veux qu'on encourage MC Rosie. Allez, MC Rosie. MC Rosie. Allez. Sur le rap. On y va. C'est parti. Salut ouais. Les zoos, moi c'est Rosie. Moi qui. De qui la tient, toi qui attaque, je suis pas une tarma, ni même une beurrette à chicha. Je suis là juste pour poser mon son, comme un cul dans un bac à glaçons. Ce soir, je suis night show, je tabasse à coup de dico. Comme un keuf dans un comico, je trouve plus les rimes en haut, je m'en bats les lettres de votre jugement. Dans le rap game, moi, je suis une jument. Alors, MC Rosie, si je puis me permettre, je pense qu'on peut vous surnommer la femme sans rythme. Ouais, ouais. Et c'était pas facile en même temps. Non, c'est pas facile. C'est c'était pas facile. Mal, hein. Franchement, c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal. Moi, en tout cas, le texte m'a plu. Ouais, moi aussi. Ça m'a parlé. Redites le début, les deux premières phrases, c'était quoi ? Salut les zous. Ouais, après. Salut les zous, moi c'est Roselyne. Ouais. De qui la tienne, toi qui la taquine. Ah, c'est plus subtil. Bon, on a passé la première étape, MC Rosie. La deuxième étape et la dernière, ça va être de répéter une phrase qu'on va vous donner. C'est une phrase imposée. C'est Amir qui va vous la donner. Ne vous posez pas de questions, vous répétez et c'est gagner la télé pour votre petite fille, ok ? D'accord. Vas-y Amir. Alors la phrase c'est MC Rosine, deux qui la tiennent, trois qui la pinent. C'est comment MC ? MC Rosine. Oh, Rosie, oui. C'est Rosie à la base. Allez, MC Rosie. Deux qui la tiennent, trois qui la pinent. Bah, qui la pille du coup. La pine. Bah, Faut que je leur dise ? Oui. Ouais, c'est ça. Hey. MC Rosie. Deux qui la tiennent, trois qui la. Pine. Pine. Eh bien. Bravo. C'est vraiment incroyable ce que vous avez fait ici, c'est fou. Elle est forte. Bon, franchement, c'était bien l'équipe, on est d'accord. Bien oui, sûr. De toute façon, elles sont toutes en fraîcheur les deux, là, c'est magnifique. Donc c'est gagné, allez hop. Bravo. Merci, Fun Radio, merci. Enfin, Roselyne, vous emballez pas, c'est quand même Marie qui gagne la télé 32 pouces. Hein. Ben oui, mais en fait, c'est pas grave, j'en ai des télés. Madame au multi-télé. Oh, t'en as partout. Et Roselyne, vous êtes un amour, on vous embrasse tous très fort. Des bisous. Moi aussi. Bisous. Bonne soirée. Bisous. Dans quelques minutes sur Fun Radio, on va accueillir Justine. Alors Justine, les gars, c'est un gros dossier. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Elle est amoureuse, ouais. Mais pas de n'importe qui. Mais elle qui est amoureuse du mec, du nouveau mec. De sa mère. Oh putain. Ouais. Oh, sa mère est divorcée, elle est avec un nouveau chéri depuis 5 ans, qui a quelques années de moins qu'elle. Et du coup, bah, Justine, à chaque fois qu'elle voit ce mec, papillon dans le ventre, tout ça, gros délire. C'est glauque. Ouais, on en parle juste après Axwelline Grosso, et si ça vous est arrivé, 01 42 48 5000. Think about love, think about hate, think about getting fame, why I'm always late, think about tonight, what I'm gonna do, but I just can't concentrate, cause I'm thinking about. About you, think about money, think what I owe. Spent it on a car with a cool stereo, and I'm sitting in your kid again. Total utter bliss. Think about my holidays, think golden rays, think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met, swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors, think about sex, think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again, total utter bliss. Total utter bliss. Total utter bliss. Total utter bliss. Total utter bliss. Like a kid again, total utter bliss. Show, c'est Marion et Anso en direct avec vous jusqu'à minuit. Et si vous nous rejoignez, sachez que c'est l'anniversaire de Marion demain, mais que toute l'équipe de Fun Radio part à Ibiza demain. Donc on s'est dit qu'on allait quand même un peu le fêter avec vous ce soir. Mmh. Et donc on a envie de te rendre hommage, Marion, avec toute l'équipe. On t'a préparé un petit medley, puisque si vous ne connaissez pas Marion, Marion a tendance à inventer des mots. Ah, vous avez tout retrouvé ? C'est arrivé quelques fois dans le night show. On écoute tout de suite. Oh là franchement, là. Il est trop frais. J'aurais adoré avoir un prof comme ça, moi. Hyper frais. Hyper frais. Bah oui, mais bon, on a 2-3. Hein, ils sont pas fine là-dedans, tu vois. Je suis dégoûtée. Je voulais porter pointe. J'étais avec mon ticket. Voilà, donc Marion ne porte pas plainte, elle porte pointe. Ah ouais. Donc sachez que tout au long de l'émission, comme ça, on fera un petit rappel. Mais c'est s'est passé dans l'émission. Hyper humiliant. Non, c'est pas humiliant. T'es humaine. Ce hein. C'est burr comme instant. Moi, j'adore quand tu fais ça. Ah bon. Ouais, mais je trouve ça. Et dites-le nous avec le hashtag le night show. Je pense que vous trouvez que c'est. Elle est hyper touchante. Ce n'est pas un robot. C'est hyper flay. Et ne porte pas pointe contre nous surtout. Bon, la gros dossier dans le night show puisqu'on a Justine au téléphone de Limoges. Hey. Bonsoir, Justine. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir les garçons. Salut. Ça va Justine ? Ça va, oui. Alors Justine, toi on parle de toi depuis le début de la soirée, tu nous intrigues. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est amoureuse du copain de ta maman, c'est ça ? C'est ça. Mais alors raconte, ça fait combien de temps qu'elle est avec ? Il a quel âge ? Comment tu l'as rencontré ? On veut tout savoir. En fait, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. Mmh. Et il a 30 ans. D'accord. Et donc, elle a quel âge ? Elle a 45 ans. Ok. Et donc, elle est divorcée de ton père depuis un moment ? Depuis 5 ans, oui. D'accord. Du coup, il se rapprocherait plus de mon âge que du sien. Et oui. il est trop craquant. Je sais pas, quand je le vois, j'ai des papillons dans le ventre. Mais j'ai l'impression d'avoir 10 ans, quoi. Mais genre, Justine, dès que tu l'as rencontré, ça t'a fait ça ? Ouais. Après, je me suis dit, c'est parce qu'il est jeune. Voilà, on va bien s'entendre, justement, comme si c'était mon grand frère, mais non, pas vraiment. Ouais, mais alors, juste, comment il se comporte avec toi ? Est-ce que vous êtes complice ? Est-ce qu'il y a un rapport de séduction ? Ou est-ce que c'est vraiment belle-fille, beau-père ? Il se passe rien, il est fou amoureux de ta mère. Comment ça se passe ? Bah, on est complice, parce que je pense que c'est l'âge qui fait ça. Ouais. Après non, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de séduction entre nous. Il est avec ma mère et moi, je suis sa fille, malgré que je pourrais être sa petite amie. Mais Justine, je suis désolée, hein, je ne sais pas si tu as envie d'entendre ça ou pas, mais tu as bien conscience que tu ne pourras rien tenter, c'est ta mère. Hein. Non, je sais bien, mais du coup, je ne sais pas si je dois lui en parler. Parce que je me dis qu'il quittera ma mère pour moi. Non, non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais Justine, t'imagines bien, j'imagine qu'ils sont hyper amoureux, ça fait très peu de temps qu'ils sont ensemble. 6 mois. Ils sont amoureux. Ma mère, oui. Après, lui, j'imagine que oui. Ouais, mais là, t'as des œillères. Tu veux pas voir. Oui. Tu veux voir que ce que t'as envie de voir aussi, Justine. Mais non, puis même, Justine. Et quand bien même, il serait pas amoureux d'elle, il la quitterait. Est-ce que vraiment, tu te verrais te mettre avec lui, faire ça à ta mère? Lui faire ça, non. Mais je me verrais bien avec lui au quotidien, ouais. Non, mais chérie, là, c'est un coup de cœur. Je comprends. Ça arrive à tout le monde. On est tous déjà tombés amoureux ou au moins on a eu des sentiments pour quelqu'un alors qu'il fallait pas. On racontera tout ça tout à l'heure parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Mais tu ne peux pas y aller, c'est impossible. C'est ta mère, tu vas pas détruire votre relation, c'est la famille. Tu comprends? C'est un coup de cœur là. T'es pas transi d'amour pour lui, ça fait que quelques temps que tu le connais, t'es jeune, tu peux trouver plein de mecs, donc on oublie. D'accord. Non, parce que Justine, t'imagines bien que c'est très compliqué après, les relations que t'auras avec ta maman, c'est fini quoi. Puis ça se trouve, il vaudra même pas de toi, enfin je veux dire, il est avec ta mère quoi. Ça se trouve, il te regarde même pas, il a aucune envie, tu vois. Mais tu trouves pas, Marion, que parfois, nous, les nanas, on a des sixièmes sens pour ça, et que du coup, peut-être que la maman de Justine s'en est un peu rendu compte, non? Non, je pense pas. Tu peux pas imaginer ça, en fait. Quand c'est trop des grosses histoires, tu te dis non, c'est pas possible, et tu te voiles la face. Ouais. Là, t'imagines pas que ta fille te vole ton mec, c'est impossible. Mais du coup, t'es bloquée, Justine, ou t'as des visions sur d'autres mecs? Ben, non, frère, j'ai du mal à... J'ai l'impression qu'il n'y a que lui. Je rencontre des gens, mais je sais pas, ça marche pas. Moi, je dis la seule solution pour qu'éventuellement il se passe quelque chose, c'est si ta mère le largue, qu'elle ne l'aime vraiment plus, et que d'ici quelques temps, avec le temps, elle a retrouvé quelqu'un, tout ça, voilà. Mais avant ça, non, c'est impossible. Oui, hein. Ou que lui la largue et qu'ils se mettent ensemble. Après, c'est une maman, ça pardonne, non? Non, pas ça. Bon, d'accord, écoute, excuse-moi, je pose une question, je jette un pavé dans la mare. Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça, Justine. Honnêtement, je pense que tu t'en voudrais toute ta vie si jamais tu faisais ça à ta mère. Hein. Vraiment. Ne le séduis pas, ne lui envoie pas de messages, reste loin, essaie de le voir le moins possible, essaie de te détacher et de rencontrer d'autres gens. Après, il faut voir avec ta mère, Justine. Peut-être qu'elle a très envie d'avoir des petits-enfants et que ça peut passer avant tout le reste. Ouais, ou qu'elle a envie de faire un plan à trois. C'est jamais si elle est très ouverte. C'est cool. Bon, Justine, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas rester là. Nous, on va demander aux auditeurs là s'ils ont des conseils pour toi. 01 42 48 5000. Ou alors, s'ils n'ont pas de conseils, s'ils ont déjà eu comme ça des sentiments pour quelqu'un... alors qu'il fallait pas. Tu vois, quelqu'un d'interdit. Alors ça peut être un prof, ça peut être, je sais pas moi, le mec de votre meilleure amie, n'importe. Venez nous raconter vos histoires. Déjà, nous, ça nous fait marrer. Et en plus, ça rassure Justine. Bah voilà. Oui, alors, une pierre deux coups. Tout le monde est gagnant, quoi. Oui, alors. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Sound of Ledger. Matin. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio présente Fun Party Fun Live. Demain à Marseille. Faites du bruit Marseille! À l'occasion de la Soch Freestyle Cup, Fun Radio investit la plage Borély. Demain. Avec sur scène Bob Sinclair et Big Ali, Jonas Blue, Lumberjack, Tini Tampa, Damien Hendrix et Benny Benassi. Attention, événement à vivre en direct sur Fun Radio à 19h30. Marseille, on est en direct sur Fun Radio. Party Fun Live. Plage Borély à Marseille. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Partez en croisière avec Fun Radio et Croisière de France du 17 au 24 septembre pour découvrir les plus beaux spots de Méditerranée et faire la fête. Attention,

Mais arrête avec tes sifflets, toi. Mais on est sur un match. Ah, oh, ça me fatigue, ces sifflets, là. J'ai pas dit une connerie, Belgique-Suède. Ah oui, Zlatan, non, okay, d'accord. Ah, je pensais que tu disais que Zlatan était en équipe de Belgique. Bah non. Tu sais, je suis pas complètement teubée. Bah enfin, quand même. Oh, Amir. C'est bon. Ah, Amir, il dit vraiment des conneries. Hein. Ah oui, Amir. Retourne sur les réseaux, Amir. Je vous souhaite bon courage là, à tous ceux qui révisent en ce moment pour le brevet. C'est demain. Je croyais que t'allais dire à tous ceux qui font l'euro. Parce que vraiment, ils nous écoutent. C'est vrai. Bon courage à tous les joueurs. Et bon courage à tous ceux qui révisent. Le brevet, c'est demain et après-demain. Oh là là là là, la loose. Ça va le faire. J'ai vu qu'on recevait plein de messages, hashtag le night show. Ouais, je vais pas y arriver, tout ça. Eh bien non, vous allez échouer. Non, c'est faux, vous allez y arriver. Le brevet, franchement, si vous avez bien bossé toute l'année, normalement, c'est easy. Et puis dites-vous que si je l'ai eu, tout le monde peut l'avoir. Voilà. On était avec Justine de Limoges au téléphone. Bon, Justine, il lui arrive un truc pas marrant, puisqu'elle a développé des sentiments pour le mec de sa maman. Oui, c'est ça. Qui n'est pas son père, hein, rappelons-le. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, Justine, nous on t'a dit, hein, on s'est concerté avec toute l'équipe, c'est impossible, tu ne peux rien tenter de toute façon. Après, si lui il tente, si dans un futur proche ou lointain, il largue ta mère, que machin, il tente tout ça, là il faudra avoir une discussion avec ta mère éventuellement, mais toi c'est pas à toi de chercher, tu vois. Ne cherche pas la merde. Alors en revanche, autre cas de figure, parce que je réfléchis quand même parfois, hein, s'il te chauffe alors qu'il est encore avec ta mère, fuis, hein, Justine. Ah bah oui. Hein, parce que ça veut dire que le gars n'est pas fiable. Hein. D'accord. Mais Justine, je sens qu'elle va y aller. Ouais, Justine, aussi, elle est trop amoureuse là. C'est pas possible. Elle est fébrile là. Putain, mais t'imagines. Non, faut pas que je fasse ça à ma mère. J'ai bien compris. Après. Et puis juste, dis-toi, ta mère, elle a souffert du divorce. Elle est pas bien. C'est la crise de la quarantaine. Elle se sent vieille et moche. Elle a retrouvé un petit mec frais et tout. Et là, bim, sa fille lui vole. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Hein, ma belle. Bon. Ouais. Justine, tu n'es pas la seule à avoir développé des sentiments alors qu'on devrait pas. Et Marion, elle le disait il y a quelques instants. Toi, t'es en kiff sur un mec? Ouais, alors moi c'est moins grave que ça, mais moi j'étais tombée amoureuse en fait du plan cul d'une de mes meilleures amies, pour pas dire ma meilleure amie. Donc c'était hyper compliqué parce que elle était folle de lui, mais c'était qu'un plan cul. Et du coup moi je le kiffais aussi, donc j'ai attendu que ça s'arrête entre eux. Mais ça se fait pas, on touche pas à la nourriture des autres comme ça, Marion. Je sais, mais il était beau gosse, c'était aussi un super coup. Enfin, il y avait 2-3 avantages quoi. En même temps, parfois c'est bien de goûter à la nourriture des autres. Arrête. Non mais je plaisante, mais en fait c'était incontrôlé, tu vois, c'était comme ça. Je suis tombée amoureuse, donc évidemment j'en ai parlé tout de suite. Elle était pas contente, ça a créé 2-3 froids et tout ça. En même temps, ils étaient pas ensemble. Donc, ouais, voilà. C'était un plan cul alors que toi, il est tombé amoureux de toi. Oui. Ouais. Donc on a fini par se mettre ensemble et elle a fini par l'accepter et puis j'ai fini par le larguer. L'histoire de la vie, quoi. C'est ça. Je crois que je me souviens de cette histoire d'ailleurs. Ouais, oui, oui, ouais, c'est possible. Mmh. Bon, tu vois, Justine, tu parles à une personne malsaine. Non, mais voilà, mais moi, c'était pas la famille, c'était un plan cul. J'en ai parlé tout de suite. Enfin, voilà, j'ai fait quand même les choses dans les règles. Là, ta mère, elle est amoureuse, tout va bien entre eux. Enfin, t'as pas le droit, quoi. Ouais. Anso, est-ce que ça t'est arrivé, toi? Pas trop dans mes souvenirs, c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai que quand j'étais ado, j'étais un peu à fond sur le mec de ma cousine. Ah, tu le kiffais de ouf? Non, j'étais juste sur ses genoux tout le temps. J'étais à fond sur lui. Non, mais en vrai. Cette vanne, on la garde, pas pour le spectacle. Non, mais en vrai, il me plaisait bien. Ouais. Mais en plus, c'est pire parce que c'était la cousine de ma mère, donc il était hyper yeuve. Ah ouais. Mais il s'occupait bien de moi, il était gentil, et voilà, c'était les débuts. Tu étais ado, t'as 14 ans, oui. Tu kiffes un peu, tu vois. T'as rien fait, quoi. Non, évidemment, non. Bah, je sais pas, on sait jamais. Bernard, toi, à 14 ans, ça aurait été quand même un peu chelou, quoi, tu vois. Bon, donc, on a du monde pour toi, ma Justine. Ouais, il y a Alexis de Clermont qui est avec nous. Bonsoir, Alexis. Salut Marion, salut Anso. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Ouais, ouais! Alors, dis-nous, est-ce que t'as eu des sentiments pour quelqu'un comme ça alors que tu devais pas? Ouais. En fait, moi, c'était la meuf de mon meilleur pote. La meuf de ton meilleur pote? Waouh! Ouais, ouais, parce que. Je sais pas, j'ai toujours développé des sentiments pour elle alors qu'elle était en couple avec mon meilleur pote et depuis, j'ai tout le temps des sentiments pour elle. Mais ça alors. Ça fait combien de temps? Ça fait 5-6 ans. Ah, d'accord, mais t'as jamais rien tenté? Non, mais. C'est dur. Ces derniers temps, ça me tente beaucoup, beaucoup. C'est hyper dur de vivre avec ça, hein, quand t'es fou amoureux de quelqu'un qui est dans ton entourage comme ça pendant plusieurs années et que tu peux rien faire. C'est vraiment pesant, mais ça veut dire qu'en 5-6 ans, t'as pas eu de copine, si, quand même? Si, mais je pensais tout le temps à elle. C'était vraiment le centre du monde pour moi, en fait. Ah, putain, c'est chaud. Et ton pote, il est fou amoureux d'elle? Pour l'instant, ouais, ça a l'air bien parti, ouais. Non, mais je sais pas comment vous faites. Moi, je suis complètement. Les mecs de mes meilleures copines, par exemple, ils sont complètement asexués. C'est, Mais et s'il y en a vraiment un, c'est un putain de beau gosse. Imagine, Anso. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que tu peux me dire tous les si ou si tu préfères du monde. je pourrais pas choisir parce que ça m'est jamais arrivé. Mais je suis déjà tombée sur des... Mais attends, mes copines, c'est des bombasses, hein. Elles ont des mecs canons, quoi. Mais pour moi, je sais pas, ça m'attire pas, quoi. Oui, mais si c'est un mec drôle, hyper mignon, qui est complètement dans ton style, franchement, c'est humain, tu vois. Oui, bon, bah là, moi, je le baise. Non, mais oui. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est pas possible. C'est... On n'y touche pas, quoi. Moi, je comprends qu'on puisse avoir comme ça des petits coups de cœur, des kiffs. Par contre, 5 ans, ouais, je trouve ça limite glauque et malsain. À un moment donné, faut passer à autre chose, hein. Ouais, je sais, ouais, c'est vrai que bon, c'est... J'imagine des choses avec elle, enfin, franchement, c'est... Mais... un coup de cœur, quoi. C'est impossible à l'oublier. Donc, du coup, t'as pas de meuf, Alex ? Bah, si, j'en ai, comme je disais, j'en ai eu, mais je pense tout le temps à elle quand même. Ouais. Dans le fond, tous les jours, tout le temps, c'est vraiment répétitif. Essaye de l'imaginer dans des situations horribles, genre aux toilettes. Ouais, je sais pas, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai, essayez de la voir dans des situations où elle vous dégoûte. En train de péter. Franchement, ça marcherait pas de ouf ? Bah non. Bah si, bah, ça dégoûte. Un peu quand même. Bah Amir, tu vois, tu l'imagines en train de faire le paix magique. Trouve-moi le paix magique. Voilà. Excuse-moi. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle comment cette Attends, fille ? Attends, parce que Manu a du mal à trouver le paix magique, donc il va tous nous les faire. Ah, Alex, ça s'appelle comment ? Elle s'appelle Amélie. Bon, Amélie, tu l'imagines, là, elle est tranquille, dans son petit short, elle se balade, tu la croises, et là, tout d'un coup, bah, Amélie... ou alors, Amélie... Ah non. Non, bah là, c'est bon, je suis dégoûté. Voilà. Amélie est malade, hein. Ça marche ou pas, franchement? Ouais. Un peu, ouais. Non, mais qui a fait ce P? J'entends un P, je rigole, moi, en fait. Non, mais celui-là, il est magique. Et oh, arrête, il me dégoûte, celui-là. Non, mais le pire, c'est le P plus Ro. Ouais, non, pas besoin. Ouais, c'est bon. Oh, celui-là, il est parfait. Oh, quel horreur. Bon. Mon pote, on t'a dégoûté d'elle pour quelques heures au moins. Voilà, ouais, pour mon 2-3 heures, ouais. Bon, c'est déjà pas mal. On t'embrasse, Alexis. Merci de nous avoir appelé. Salut, bisous. Bisous. Bisous. Il y a Jules aussi de Marseille. Bonsoir, Jules. Salut, c'est les filles, c'est tout le monde. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Bah. Alors, ça va, Jules ? Bah, ouais, très bien. Lourd. Ça va, les gars ? Ouais. Tout le monde va bien. Ouais. Dis-nous. Va. Ouais, moi, je vous appelais parce qu'en fait, j'avais des sentiments pour ma prof d'anglais. Ah, c'est mignon ça. Ta prof d'anglais qui était plutôt jeune ou. Elle avait quoi ? Elle avait 28 ans. Et elle était archi jolie. Ah, ouais. Elle pas jolie. Oui, mais c'était un fantasme, t'avais pas vraiment de sentiments. C'est parce que juste. Ouais, je sais pas. Ouais, mais si, parce que c'est normal. T'avais quel âge, c'était cette année là ? Non, c'était en quatrième. Ah oui, d'accord, oui, t'étais jeune. Ouais, bah, enfin, ouais. Maintenant là, il a 15 ans, donc c'est pas non plus. Tu vois ? Non, mais ouais, mais après, je comprends si c'est une prof archi mignonne et tout. Voilà, mais après, comme dit Anso, ça reste de l'ordre du fantasme parce que tu la connais pas vraiment, tu vois. Tu connais que la prof, tu connais pas la femme. Voilà, t'es émoustillé par les prémices sexuelles de l'adolescence. C'est ça. Qui te permettent de penser cela. Mais en même temps, c'est cool parce que c'est motivant pour aller en cours. C'est-à-dire que les cours d'anglais avec une prof jolie. Ouais, mais du coup, tu fais rien en cours. Moi, je me mettais tout devant pour t'en garder. Et tu fais rien en cours après. Il est mignon. Et du coup, tu l'as gardé qu'un an, cette prof ? Eh ouais, c'était une remplaçante. D'accord, et après c'est passé quoi. Elle est partie et bah, tout, ouais. Tous les sentiments se sont envolés quoi. Ouais. Et maintenant t'as une meuf ? Non. Bon, en même temps t'as le temps, t'as 15 ans. Hein. Ouais. Bon, Jules, il est mignon. On t'embrasse. Ah. Et mollo sur les profs. Ouais, je peux faire une dédicace ou pas ? Bien sûr, oui, vas-y. Ouais, dédicace à Karim, à Jade, à Antoine, le fils de pute. Et achetez tous l'album de Escroc. D'accord, mais Jules, pourquoi Antoine, c'est une vanne ou... Parce que c'est... Non, c'est mon meilleur pote, c'est une vanne. Ah, d'accord, ok. Je me rassure. C'est sa mère, du coup, ouais. Précise la prochaine fois. On t'embrasse, Jules. Ça va. Bisous. L'équipe, je vais vous proposer des amours. Vous allez me dire si, selon vous, ce sont des amours possibles ou pas. Ok, okay. Vas-y. Votre meilleur pote. Mais quoi, sortir avec notre meilleur pote ? Amour possible ou c'est compliqué ? Ben, moi je suis toujours partagée. Ce que je me dis que si il s'est rien passé dès le début avec ton meilleur pote, c'est que t'as raté le coche, tu vois. C'est vrai. Mais ça peut donner aussi suite à de belles histoires. Ouais, je sais pas. Bon, mitigé. Un collègue. Ouais, ah, bah oui. Oui, ça se fait. Ouais. Un ou une ex. Ah non, mauvaise idée. On n'y retourne pas. Si c'est fini, c'est fini, on y arrête. Alors là, il y a débat. L'ex d'un pote ou d'une pote ? Moi je dis non. Moi je dis pourquoi Non, parce que du coup tu perds aussi ton pote, tu perds. Ça dépend s'il s'aime plus et que le pote est ouvert. En fait, il faut en parler déjà à ton pote. Ouais. Et ensuite, du coup, si c'est bon. Mais bon, après, non, en fait, non. Mais et cela dit, moi, je suis pas sûre que je le prendrais mal si une de mes copines sortait avec mon ex. Ah bon ? Ouais, mais non. Après, c'est. Bah, justement, faut qu'on en parle. Non, mais ça fait toujours bizarre, quoi, parce que t'es obligé de le revoir, du coup, enfin, tu sais. Ouais, c'est vrai, ce sera au nom. Votre beau-père ou belle-sœur, sans lien de parenté? Non. Bah, non. S'il n'y a pas de lien de parenté. Oui, mais je comprends pas. Bah quoi, ton beau-père? Ouais. Non? tu veux dire mon beau-père? C'est le mec de ta mère? Tu veux dire le père de mon mec? Ou... Ah ouais, dans ce sens, ça marche aussi. Ah non, ou le père de... Ou bah le les mec, deux. Le mec de ma mère. Les deux marchent. Bah, oh non, mais oui, mais les deux sont malsains. Ouais. C'est vrai. Non. Un mec ou une meuf de télé-réalité? Non. Bah, pourquoi pas, il y en a des très bien. Oui, pourquoi pas, bah oui. Moi, je prends, ça, il n'y a pas de souci. Un acteur ou une actrice porno? Non. Non. Je sais pas. En plan cul, ouais, c'est pas mal. Non, et ou alors non. S'il a arrêté sa carrière. Bah arrêtez, pourquoi tu veux lui demander ça, toi? Bah parce que je n'ai pas envie qu'il baisse avec d'autres meufs. Enfin, ça bah c'est son métier. Bah donc c'est un mauvais plan. Ok, une ancienne prostituée, les garçons. Mais genre qui est repentie maintenant, qui fait plein de trucs cool, genre femme d'affaires. D'accord, ça veut dire non. Mais j'ai compris les gars, vous cassez pas. Un mec ou une meuf qui a fait de la prison. C'est sexy, ça. Oui. Bah, ça dépend pourquoi. Ça dépend, ouais. C'est-à-dire que si c'est la prison pour pédophilie ou pour tueur en série par exemple, non. Bah enfin, et une meuf qui a fait de la prison, c'est pas super sexy. Hein. Ouais, non. Ouais, c'est vrai que ça marche mieux chez les mecs. Ah hein. Non, bah, attends, j'imagine faire des pompes et tout. Bah, regarde Nabila. Regarde Nabila. Ouais, bah ouais. Okay. Tu vois. Pourquoi pas? Un mec ou une meuf qui jouit uniquement en chantant La Reine des Neiges. Amour possible ou pas? Impossible. Ouais. Un mec qui a deux canapés Château d'Axe à la place des sourcils. Amour possible. C'est pour moi, c'est en fait. Oui, c'est pour toi. Ouais. Oh, ça va. Reste à dire à des sourcils surdéveloppés. Il y a plein d'auditeurs qui me défendent. Bah qui? Je les vois pas passer moi. Non plus. Ah mais c'est sur mon compte privé. D'accord Amien. Ce sont des amis. On a Olivier aussi qui nous a appelé de tour. Bonsoir Oliver. Oui, bonsoir Marion. Bonsoir un peu, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Olivier. Comment il va? Mais ça va bien. Alors raconte-nous. Ça va très très bien. Amour impossible. Ben, écoutez, ben, en fait, moi j'ai mon frère qui a 3 ans moins que moi, qui sortait avec une gonzette depuis à peu près 4 ans. Sachant que mon frère ne voulait pas d'enfant, et en fait moi je suis tombé grave amoureux de sa copine à l'époque, et donc on a fini par se rapprocher, parce que moi, on a fini par se rapprocher tout simplement, ouais. Et donc maintenant on est ensemble depuis un an, et on a eu un enfant ensemble. Oh. Mais attends, comment l'a pris ton frère? Bah très très mal. Bah tu m'étonnes. Très très très très mal. Et en fait, on se parle plus et donc voilà quoi. C'est dur. Mais attends, rassure-moi Olivier, tu l'as pas mise enceinte alors qu'elle était encore avec ton frère? Non. Ah ouais. Non. Bien sûr que c'est non, horrible. Non. Mais moi, je serais hyper malheureuse de me brouiller comme ça avec mon frère, quoi. Ce serait compliqué. Oui, mais il faudrait que tu tapes sa meuf. Oui, bah, c'est possible. Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais je veux dire, même une sœur, enfin, je comprends pas, quoi. Je préfère me sacrifier plutôt que faire ça. Ouais, mais après, voilà, parfois. Après, j'imagine. Par contre, t'es habitué, quoi. Mais puis, j'imagine, toi, Olivier, que l'amour était plus fort que tout. Ah, bien sûr. Ouais, c'est ça. Au départ, bon, on s'est changé quelques regards et tout ça, et au fur et à mesure, bon, bah, on a fini par se rapprocher. Et le fait aussi que mon frère ne voulait pas d'enfant et moi que j'en voulais, ça a pesé un peu aussi dans la balance. Oh, c'est dur quand même. Mais comment vous faites pour les réunions de famille, genre Noël, l'anniversaire du petit, les vacances et tout? Comment vous faites? Bah, on se voit, mais on se parle pas. Et donc, du coup, il est pas tonton, donc ton frère, oui, mais il connaît pas son neveu ou sa nièce. Bah si, ils se voient, mais ils se parlent pas aux réunions de famille. Ah, c'est... Voilà, tout à fait. Oh, la glauquerie du truc. Joyeux Noël, tu sais, ils s'esquivent. C'est dur. Mais du coup, Olivier, qu'est-ce que tu conseilles à Justine, elle qui est amoureuse du mec de sa mère? Je pense qu'il faut attendre... Enfin, faut laisser faire le temps. Faut laisser faire le temps. S'il doit se passer quelque chose, il passera quelque chose, quoi. Quelque chose, donc. Après, moi, je pense qu'on est maître de son destin. Et si Justine, elle a envie d'oublier ce mec et de laisser sa mère tranquille, elle peut le faire aussi. Hein. Ouais. Toi, t'as décidé de foncer avec la meuf de ton frère, c'était ton choix. Maintenant, voilà, c'est un peu la merde. Lui, il est malheureux, vous vous parlez plus. Les parents, en plus, vos parents à toi et ton frère, ils doivent être dans un état pas possible. Enfin, bref, ça va être chaud. Ouais. C'est compliqué. Chacun ses choix, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup de galères. Alors que les amours, ça va, ça vient. Elle peut s'en passer, Justine, j'en suis sûre. Ouais, tout à fait. Bon, après, c'est à elle de voir, quoi. Justine. Oui. Honnêtement, qu'est-ce que tu comptes faire là après avoir discuté un peu avec nous, avec les auditeurs? Je vais pas forcer le truc, comme il dit. Ouais. Je sais plus son prénom. Il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Hein. Peut-être que du coup, il viendra vers moi, il quittera ma mère, enfin, ma mère le quittera. Et ouais, t'es coup, pas fermée, quoi. Peut-être que demain, je rencontrerai l'homme de ma vie. Bah, moi, personnellement, je partirais plutôt sur la deuxième option. Oui, ce serait mieux. Hein. Voilà, si je peux choisir. Et alors, par contre, si jamais tu chopes le mec de ta mère, tu passes dans je te demande pardon, je t'en supplie. Hein, pour t'excuser auprès d'elle. Hein. Oh la racoleuse, quoi. Ouais, grave. Bon, réfléchis bien, fais attention à toi, fais attention à ta mère quand même. D'accord. Okay. Olivier, merci de nous avoir appelé, mon chat. On t'embrasse. Merci et bon anniversaire, Marion. Ah, merci. Il faut pas le souhaiter en avance, ça porte malheur, mais et je prends quand même. Quoi, c'est une légende urbaine. Bisous, Olivier, on t'embrasse. Bisous. Justine, tu nous tiens au courant surtout, hein. Très bien, il n'y a pas de souci. Bon, on te fait des bisous. Et j'ai quand même envie de demander à Pépère si, oui. Je sais pas, moi, vécu un amour impossible, trahi quelqu'un. Je rêve où tu, Anso, tu m'imites. Oui, c'est vrai que j'essaie de t'imiter. Ouais. Eh bah, retourne avec moi, chat, tiens. Bah, dis-nous. Oui, Pépère, il a failli trahir son frère. Hein, bah, eh bah, raconte. Bah, j'avais plus de capote à mettre au bout de ma teub, alors je voulais prendre sa fille de 6 mois pour la remplacer. Oh là là. Mais j'ai dérivé, j'ai dit non. D'accord. Bah, non. T'as quoi? J'ai dérivé, j'ai dit non. Ah d'accord. Ah, bah oui. Par contre, ça se dit pas, j'ai dérivé. Hein. Non. Ouais. On dit quoi alors? J'ai drivé? Non, tu dis rien du tout, tout ça quoi. Ouais, là c'est ça. Bah si, ça se dit, j'ai dérivé. Ok. Bah, non, j'ai dérapé, non? Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu rates tes cours de français? Bon, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Et qu'est-ce qu'on gagne dans le Pourquoi tu m'appelles? Bah 4 places pour aller faire la teuf au parc Astérix. C'est cool ça. Ça c'est cool avec des potes, avec la famille, avec le mec de sa mère. Tout ça, quoi. Et on félicite la Belgique qui a donc gagné 1-0 face à la Suède. Bravo, bravo les Belges. DJ Snake pour vous sur Fun. To lose when you talk. Marion et Anso, c'est le Night Show. On est hyper content d'être avec vous là en direct jusqu'à minuit. Et si vous nous connaissez peut-être pas encore, peut-être que vous nous rejoignez. Oui. Vous savez peut-être pas qu'on a deux chaînes YouTube où on fait plein de conneries dessus. Et franchement, c'est pas parce que c'est nous, mais c'est quand même canon. La chaîne YouTube s'appelle Marion et Anso et l'autre s'appelle Marion et Anso Gaming, sur lequel on teste plein de jeux vidéo. On a fait notamment Call of avec Wartech, on a fait FIFA avec Ritza et puis on a testé un jeu qui fait peur aussi. Et je vous invite à aller voir juste pour vous foutre de notre gueule. C'est ça. Parce que quand on a peur, globalement, eh ben, on est moche et ridicule. Pourquoi tu m'appelles ? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con ? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Vous gagnez vos places pour le Parc Astérix. 4 places en plus. Ce qui est cool avec le Parc Astérix, c'est que bah, quand on y va et que bah, on est en plein été comme en ce moment, bah, hop, on fait des manèges avec de l'eau. Hop, quand on porte un t-shirt blanc, hop, on monte Cinibar. Et ça, c'est toujours très sympa pour le public du Parc Astérix. Ouais. Tellement bien vendu, Anso. Magnifique. Et c'est Amandine qui joue avec nous ce soir de Paris. Bonsoir, Amandine. Bonsoir, les filles. Ça va, Amandine ? Ça va, ça va. Alors, si tu gagnais ce soir au Pourquoi tu m'appelles, tu emmènerais qui, toi, au Parc Astérix ? Je pense qu'on partirait entre copines. Ah bah ça c'est bien, en plus il y a moyen de rencontrer du cum là-bas. Ah bon ? Bah ouais, oui, Obélix, tout ça. Il y a de la cam. Tu veux jouer contre qui, Amandine ? Contre Marion. Contre moi, d'accord. Qu'est-ce qu'on va se faire comme handicap ? Alors Amandine, on va donner un handicap à Marion parce que le but c'est que tu gagnes plus facilement. Ouais. Donc Marion, tu vas devoir faire l'accent belge. Parce que ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Je suis incapable de le tenir sur toute une conversation. Mais justement, c'est drôle. Ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas fait et moi j'adore quand tu as fait l'accent belge. Oh, c'est ridicule. Allez, c'est parti Amandine, une fouée. Tu quittes pas, on laisse Marion commencer. L'avantage, c'est que ça ne pourra jamais être pire que toi. Moi, je tiens aucun accent. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, pourquoi tu m'appelles ? Pourquoi tu m'appelles ? C'est qui toi ? Ah bah c'est-à-dire que je sais pas, mon téléphone vient de sonner et là j'étais tranquillement en train de manger une fricadelle et donc je me posais la question, pourquoi tu m'appelles ? Allô ? Okay. Allô ? Allô ? Oui. Oui. Pourquoi tu m'appelles ? Et qui tu es ? Ah ben je ne sais pas qui je suis, dis donc j'étais là, alors là mon téléphone vient de sonner, donc moi je me dis bon... je décroche, on sait jamais une urgence. Ça arrive une urgence, parce que moi, dans ma famille, j'ai pas mal d'urgences souvent. J'ai ma maman à la santé fragile. Et j'ai un papa qui est un petit peu comme ça, limité. Du coup, je me suis dit, je décroche. Arrête, ça. Je connais la voix de ce qui est derrière toi. Oh, la voix de ce qui est derrière. Bah, pars, Dido. Mais bon, j'ai la fricadelle, là. Allô ? Oui. Mais pourquoi tu m'appelles ? Il est mal. Non mais je l'ai complètement perdu. Non mais surtout parce que j'ai ma mère qui a été fragile et mon père qui l'imitait. Oui mais alors toi t'es dur parce que tu pars en fou rire. Du coup moi je peux pas me concentrer. Qu'est-ce que j'ai ri. Mano, combien de temps elle a fait Marion? 57 secondes. Ah mais c'est naze. Ah oui mais bon c'est la vie hein. Ouais c'est la vie. Pardon papa, je sais que t'es pas limité mais j'ai paniqué. Je savais pas quoi dire. Amandine, 57 secondes à battre, ça devrait être faisable. Ouais ça va être chaud mais ça va le faire. T'as une technique? Non, je pense que ça va être au feeling. C'est bien. Allez, c'est parti. Petite femme au feeling. Putain, tu m'as fait rire. Oh, j'ai chaud. Le truc, c'est que vous voyez pas sa tête, vous les auditeurs, mais alors, t'as fait l'accent belge, j'avais transformé de visage, quoi. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui ? C'est qui ? Bah, c'est vous qui m'appelez, hein. Bah non, pourquoi tu m'appelles ? Bah certainement, c'est vous qui arrêtez pas de m'appeler depuis tout à l'heure et qui raccrochez direct après avoir appelé. Bah non, je comprends pas, j'ai mon téléphone qui a sonné, donc moi j'ai décroché, j'étais en train de faire... Non, c'est vous qui m'avez appelé, je viens de décrocher, vous m'avez appelé. Vous êtes qui ? Bah certainement que je vais vous dire qui je suis, c'est vous qui m'appelez, vous foutez de moi ? Bah je sais pas, moi vous habitez où ? Parce que moi je suis dans le centre. Ça commence à faire toute la journée, personne que nous appeler. Mais c'est bon, ça commence à me saouler, c'est vous qui m'appelez, ça suffit. Non, non, non, ça fait deux fois. Au bout d'un moment, moi j'ai pas que ça à faire, je travaille. Hein. Moi non plus, on travaille aussi, alors c'est bon maintenant. Oui, alors les trucs comme ça, je les connais, hein. Ça vous amuse d'appeler les gens au téléphone comme ça ? Oh, elle est vénère la dame là. Elle est bien énervée, ouais. Bon, j'ai l'impression que c'est kiff kiff là, ça donne quoi Mano à l'arrière ? 1 minute 05. Ah, c'est gagné. Ah ouais. Bravo chérie, on t'envoie les 4 places pour le parc Astérix. Génial, je suis trop contente. Et Enzo, au standard, tu vas nous rappeler cette charmante dame qui avait l'air d'avoir beaucoup d'enfants avec elle pour la détendre. Oui, voilà. Hein, tu la calmes. Et bien, Mandy, on t'embrasse, ma belle. Gros bisous, tout le monde, je vous adore trop. Mais c'est nous, on t'adore. Poutou, poutou. Burr. La bonne bise. Il vous reste plus qu'une semaine là si vous voulez tenter votre chance au Pourquoi tu m'appelles. Donc on y va, Marion et Anso @funradio.fr. En plus, le record est toujours imbattu. Moi j'ai quand même envie qu'on le batte avant de partir en vacances. Mais il y a du gros cadeau à choper en plus. Merde, allez-y, on s'inscrit et dans quelques minutes sur Fun Radio, on vous a trouvé un dossier qu'on adore avec Anso. C'est les particularités physiques des stars. Les trucs un peu chelous, les trucs anormaux qu'ils ont comme ça, un sixième orteil, le pas de nombril. On a trouvé plein de trucs sur plein de gens. On va vous balancer les dossiers là dans un instant. Bougez pas, ce sera juste après David Guetta sur Fun Radio. So let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let the moment drown our whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. Merci à vous tous d'être avec nous là sur Fun Radio. C'est Marion et Anso. On est en direct avec vous tous les soirs du dimanche au jeudi. Et demain, c'est l'anniversaire de cette petite femme qui est avec moi tous les soirs sur Fun Radio, qui s'appelle Marion, que j'appelle aussi Babber, the dadder. Et donc, Marion, eh bien, on te fait un peu des surprises. Parce que demain, c'est vrai qu'on sera... Enfin, voilà les surprises. On sera toute l'équipe de Fun Radio en direct d'Ibiza demain. Et du coup, là, on a décidé de te faire un petit truc à la cool. Faites entrer le gâteau immédiatement. Ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'il entre, le gâteau. Ah ouais, ça, c'est du gâteau. Alors, c'est des cupcakes spécifiques. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, Marion, dis pas ça. Attends. Non mais c'est hyper joli. Mais alors, c'est angoissant quand alors même. En fait en gros si tu veux. Ah oh, mais c'est des trucs de tueurs en série. Ben oui. Ah oui. Oh, il y a des cerveaux et des doigts dedans et des yeux. Alors je t'explique. Oui. En fait ça a été fait par une cupcake designer de chez Ah mais attends, mais c'est hyper bien fait. Ouais. Cupcakeway, c'est ça. Ah là là, cupcakeway.fr. Attends, est-ce que tu peux essayer de le dire bien? Bon, okay, bon, alors c'est sur le site en fait cakeway.fr et en gros, si tu veux, c'est des gens qui sont directement chez eux, c'est des pâtissiers pro. Enfin, c'est des pâtissiers et puis du coup, ils peuvent te faire des produits de ouf, moins cher et en plus, ils sont à côté de chez toi. Eh, mais c'est trop bien parce que alors moi, j'ai développé une passion pour les tueurs en série. Non pas que je les admire, hein, c'est juste que ça m'intrigue vachement à chaque fois, je m'intéresse beaucoup. Du coup, là, petite dédicace, donc je vous explique, il y a des cupcakes hyper jolis avec plein de couleurs, mais dedans, il y a des yeux globuleux, il y a des doigts avec du sang, il y a une partie de cerveau. Il y a plein de trucs et franchement, on va vous mettre des photos sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est bon, mais ça a de la gueule. Alors, elle s'appelle Anaïs, la cupcake designer. Merci Anaïs, c'est sympathique. Merci Anaïs, t'es un amour Anaïs, ouais, on t'embrasse. Félicitations. Cakeway.fr pour aller voir ça aussi, commander chez vous. Mais c'est cool. Je vais jamais oser les manger. Hein. Bah, moi non plus, rapport au diabète déjà. Bah, je sais pas, c'est trop beau, c'est trop joli. Donne-en un à Max qui fait des blagues déjà parce qu'il en a envie. Vas-y, Max, prends un œil. Personne bave, hein, déjà. C'est, mais c'est et moi j'en veux un aussi. Et vous allez voir, on va vous poster la photo sur la page Twitter, la Marion et Anso, et puis Marion et Anso sur Fun Radio sur notre page Facebook. Ouais. Merci. C'est comment alors, Max? Et c'est fait maison en plus, hein. C'est bon, c'est super sucré. Attention, tu vas mourir. Attends, hein. Il faut pas. Bah, pique-toi sinon. Oui. Allez. Bon, merci. Franchement, ça, c'était une belle surprise pour une fois. Il y en a d'autres qui arrivent ou pas? Oh, il y en a une petite dernière à la cool. Ouais, qui va être sympa, quoi. Non, d'accord. Bon. En attendant, on parle des défauts physiques des stars, des particularités un petit peu spéciales. Je vais vous faire le vrai faux du soir et vous, pendant ce temps-là, vous nous appelez la 01 42 48 5000 si vous avez déjà croisé quelqu'un qui a une particularité physique. Un truc chelou, un truc marrant. On se moque pas, on n'est pas là pour ça. Juste on partage. Ok? D'accord. Allez, vrai faux. Ok. Le vrai faux du Night Show. Megan Fox a un pouce atrophié. Vrai ou faux, à votre avis? C'est possible, ça, c'est possible. Oui, il est tout petit. Je crois que c'est sur son orteil. Mais comment elle a fait ça? Bah, c'est de naissance, hein. Ah non, c'est sur sa main. Ah oui, pouce. C'est un petit pouce, ouais. Ah ouais, c'est marrant, ça. Bah écoute, elle a tout pour elle, au moins elle a un petit pouce. Du coup, comment elle fait pour les pour faire du stop? Pouces. Il manque un bout de doigt à Chandler de Friends. Oh non. Eh bah si, il se l'est coincé dans une porte. Ah, tu l'avais jamais vu dans la série, ça? Non, bah il l'a pas fait dans la série. Non, c'était après, c'est bien pour ça. Ouais, d'accord. Orlando Bloom est né sans oreille. Bah non. Non, bah évidemment que non. Évidemment non. Le mannequin Carolina Kourkova n'a pas de nombril. Bah oui, mais par Photoshop peut-être. Oui, non, c'est la vérité et ça on va vous la mettre sur les réseaux sociaux, c'est assez incroyable. Elle est hyper gaulée la meuf, mais par contre, elle n'a pas de nombril. Il y a pas de relief. C'est bizarre. Oui, mais c'est impossible. Bah si, c'est une opération peut-être. Oui, ou c'est une malformation, ça arrive, hein, tu sais. Ah bon? Bah oui, on va vous la balancer la photo. Oui, normalement, t'as ton le cordon ombilical qui part du nombril, c'est ça en fait. Je ne connais pas cette personne. D'accord. Leonardo DiCaprio est quasiment aveugle d'un œil, vrai ou faux? Non, évidemment. Mark Wahlberg a 3 tétons. C'est qui? Ah si, Mark Wahlberg, il joue dans plein de trucs. Ouais, c'est un comédien hyper connu. Si, il est canon. Il joue dans quoi? Il joue dans des trucs où ça se bastonne et tout. Ouais, genre les infiltrés. American Sniper, le mec. Ouais. Et bah le gars a 3 tétons. Ah bah la chance. Bah pourquoi? Je sais pas. Beau gosse en tout cas lui. Hein. Albery a 6 doigts sur son pied gauche. Ah tu dis Albery toi? C'est quoi? Al, non? Albery? Ouais. Bah comme tu elle veux. Elle a quoi, 6 doigts? Sur son pied gauche. Non. Non. Oui? Si. Ah bon? Bah ouais. Mais ça doit être hyper chiant pour mettre des palmes ou... Elle en met souvent en plus. Kim Kardashian est née sans muscles fessiers, d'où la taille de ses fesses, à votre avis. Non, c'est pas possible. Non, c'est faux. Johnny Hallyday s'est fait greffer 2 prépuces à la place des paupières, ce qui explique ses yeux en forme de trou de tub. Oh non. Bah Johnny. C'est gratos, hein. Attends. J'aimerais qu'on en profite pour avoir une imitation en direct de Johnny, puisque Marion imite à la perfection Johnny Hallyday. C'est parti. Arrête. Salut, c'est Johnny. Alors Marion, elle a une petite angine, ça marche pas du tout. Hein. C'est dur là, comme ça. Remets-moi l'imitation que j'ai fait hier. Elle est où? Parce que je la tenais quand même. Franchement, c'est le dire, elle était pas mal. Elle est là. Ouais. Salut, c'est Johnny. Ça passe. Paris Hilton, chose du 43. Oui, c'est vrai. Non. Grand pied, celle-là. Ah, c'est pas très joli, hein. Non, c'est pas 43, beau, c'est moche. Non, c'est pas fou. Scarlett Johansson a de la moustache. Oui. Mais on a toutes de la moustache. Ouais, mais elle en a beaucoup. Bah ouais. Moi, parfois, j'en ai tellement que je fais des ronds, tu sais. Non, mais moi, j'avais jamais remarqué. Ouais. Bah, elle doit se le faire enlever. Photoshop, surtout. Elle atteint, je pense. George Clooney a un anus en forme de capsule Nespresso. Bien sûr que non. Non, évidemment que non. Conchita Wurst est le fruit d'une fécondation in vitro d'un des sourcils d'Amir, ce qui explique la barbe, à votre avis. Ah ouais. Ce serait bon ou pas? Oh, vous savez quoi, je serais fier de lui et elle. Comment, pour vous expliquer ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un ou une Autrichienne qui a gagné l'Eurovision il y a quoi, 2-3 ans ? Ouais, bon, à la base, c'est un mec. En fait, c'est un mec qui s'habille en nana mais qui garde sa barbe. Ouais. Donc, c'est hyper troublant parce qu'il se maquille comme une femme. D'ailleurs, il ressemble vraiment à une femme. Il est très beau, elle est très belle. Oui, magnifique. Mais enfin, messieurs, dames, vous êtes très beaux. Voilà. Mais il chante super bien en plus. Ouais, elle chante bien. Qui soit. Il chante super bien. Mais en tout cas, franchement, c'est un personnage hyper atypique et je sais pas si c'est ça qu'il avait fait gagner, mais ça avait dû toucher les gens et moi je lui dis bravo. Et ça a marché parce qu'après il a fait des pubs, il a fait des disques et tout, hein. Franchement c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah écoute, invitons-la. Hein, ouais. Ou elle parle français. Non, je crois pas. Ouais, bah c'est mort du coup. Voilà. 01 42 48 5000. En tout cas, venez nous dire si vous connaissez, si vous avez déjà vu des particularités physiques, si vous en avez. Comme ça, on partage. Hein. Moi je goûte mon cupcake. Hein. Alors vas-y, t'as pris quoi au cerveau, c'est ça? Ouais, j'ai pris au cerveau. Ouais, c'est bon. Bah, c'est sucré. Ça, tu dis si on t'emmerde à 23h23 là, de bouffer à l'antenne. À la fraise, c'est hyper bon. C'est mon anniversaire. Est-ce que t'as déjà vu des particularités physiques ou est-ce que t'en as, toi, Marion? Alors, moi, j'ai déjà vu une nana avec un énorme nombril, mais genre, tu sais, qui sortait une boule. Ah, mais oui, on l'a vu hier ensemble. Non, c'est pas la même. Ah. Mais elle avait une sorte de boule de graisse qui sortait au niveau du nombril. Alors, je sais pas si c'était normal, une malformation, mais ça m'avait choqué, c'était à la plage. Ah ouais. J'avais trouvé ça bizarre. Moi, de toute façon, j'ai un petit blocage sur les nombrils. Je trouve pas ça joli, un nombril qui sort ou qui rentre. D'ailleurs, j'aime pas les nombrils. Donc là, ça m'avait marqué. Bon, bah d'accord. Mais et hier, on en a vu une avec une femme enceinte. Oui. Mais bon, là, c'est parce que le bébé prenait de la place et donc ça fait. Elle y peut rien. Exactement. T'as vu qui, moi, l'autre jour, dans le métro, j'ai vu un mec, on aurait dit qu'il avait deux têtes en fait. C'était hyper bizarre. Comment ça, il avait deux têtes? Bah, je sais pas, je l'ai vu, j'ai halluciné. C'était un truc de dingue, quoi. Mais meuf, c'est pas possible, t'avais bu bouteille de rosé avant? Non mais comment ça, deux têtes? Bah en fait, il avait une malformation, donc il avait une espèce de grosseur au niveau de la gorge, et c'était comme s'il avait deux têtes. Ah c'est dur ça, ça va être une vraie maladie. Hein. Ouais, c'était vraiment difficile. Merde. T'as été le voir? Bah, pour lui demander si ça allait. Ça aurait été trop chaud. Bah non, monsieur, vous avez deux têtes. Bah c'est vrai, t'aurais pu t'intéresser un peu à la personne. Non, je suis pas allée le voir, le pauvre, j'ai laissé tranquille. Oh, pauvre beurre. Il y a Laure de Paris qui nous a appelé là au 01 42 48 5000. Bonsoir Laure. Bonsoir. Ça va Laure? Oui, ça va, merci. Déjà, joyeux anniversaire Marion. Et demain. Si, c'est demain, mais bon. Merci, je prends. Bon, c'est demain, adorable. Demain, je t'aurai pas au téléphone. Donc, enfin, je te le dis ce soir. C'est demain, c'est dans 35 minutes. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, bah, mais... ça va. Bon, dis-nous. J'essaierai de rater dans 35 minutes alors. Bon, est-ce alors, que t'as quand entendu le sujet du soir, je me suis dit non, faut que je partage avec eux. Faut que je les appelle parce que la petite expérience que j'ai eu l'occasion de vivre était bien sympathique. Pour tout vous dire, j'étais en couple entre guillemets avec un garçon que j'aimais bien, quoi, que je voulais absolument commencer une petite histoire sympa et le feeling marchait bien, il y avait une bonne alchimie. Ouais. Et puis le jour où j'ai voulu passer à l'acte, on va dire. J'ai vu qu'il avait un tatouage, bon ça je l'avais remarqué avant, un tatouage qui sortait un petit peu du boxeur. Une tête de serpent. Bon, déjà j'aime pas les serpents, mais bon, j'ai pris sur moi. Et le jour où il a déballé la chose, quoi, j'ai vu en fait le tatouage continuait jusqu'à son sexe, quoi. Et c'était tatoué la queue du serpent sur le sexe en mode queue de serpent à sonnette, tu vois. Une horreur. J'ai pas pu. Tout son sexe était tatoué. Et ouais, tout son sexe était tatoué, c'était la fin de la... Tu vois, ça continuait jusqu'à la fin. Enfin, horrible. Alors, par contre, c'était une prouesse. Hein. Très, très bien fait. Hein. Chapeau d'artiste. Mais j'ai pris mes jambes à mon cou quand même. Hein. Mais d'après vous, comment on fait pour tatouer le sexe d'un mec? Il faut qu'il soit en érection, du coup. Ouais. Ah, ben ouais, t'as pas tort. Ouais. Ouais. Mais tu peux pas, parce que t'as mal. Je peux te dire, je l'ai pas vu en érection. Je peux pas, je suis partie. Ah, c'est pas bête, ça, Amir, il a raison. Bah, je sais pas si vous êtes tatoueur, appelez-nous. Est-ce que c'est possible de tatouer un sexe et comment on fait? Ouais, ben. Bah oui, c'est possible parce qu'il y en a plein qui sont tatoués. C'est vraiment bien fait. Hein. Bon, et ben écoute, je suis pas sûre que ce soit un motif de rupture quand même, hein, le serpent sur le sexe, mais bon. J'ai une phobie dans la vie, c'est bien les serpents. Je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je couche avec un mec où son zizi, c'est la queue d'un serpent? Enfin, t'imagines l'amalgame? Non, c'est pas possible. On a compris ton cri du cœur, t'inquiète pas. On t'embrasse, Laura, merci de nous avoir appelés. Merci bisous. À vous, bonne bisous. Soirée, bisous. Bisous, bisous ma belle. Il y a Franck de Créteil aussi qui est avec nous. Bonsoir Franck. Oui, bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir tout le monde, la forme. Salut. Ça va, ouais. Alors excuse-moi parce qu'il y a Anso qui s'est lancé dans le cupcake là, mais t'as pas le droit? Bah si, je me suis piqué. Ah bon? Ouais. D'accord, donc là tu peux te goinfrer quoi. Complètement. Et c'est bon hein. Hyper bon. C'est hyper cool. Et vous savez qu'en fait on peut demander. Il en reste pour moi. Ouais, tu peux, viens à la radio. Et on peut faire tout ce qu'on veut avec les gâteaux. Comment c'est ça? Bah vous allez sur cakeway.fr. Ah tu peux. Et tu peux dessiner ce que tu veux. Tu peux demander tout ce que tu veux. Eh ben merci à eux, en tout cas c'est hyper joli ce qu'ils ont fait. Bon, dis-nous mon pote, qu'est-ce que t'as vu comme particularité physique toi? Alors moi, un matin en allant en cours, dans le métro, j'ai vu un mec, franchement alors là j'étais choqué, il avait un œil plus gros que l'autre. Mais quand je te dis plus gros, c'est vraiment plus gros, c'est comme si je te disais que t'avais un calot et de l'autre côté une bille. Ah ouais. Tu vois, mais le mec hardcore, franchement. D'accord. C'était hardcore. Mais ouais, mais le problème avec ça, c'est que est-ce qu'on sait si c'est une malformation ou quoi? Parce que si, enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Tu as demandé? Non, j'ai même pas osé le voir, j'ai peur qu'il me bouffe, le mec. Bah non, tu vois, il me regardait avec le pauvre, il est pour rien. Bah ouais, t'imagines, c'est horrible. Bah c'est horrible, il doit trop en souffrir en plus. Oui, mais je comprends pas que ça s'opère pas, moi, ce genre de truc. Bah, c'est peut-être très compliqué. À mon avis, le pauvre, il a dû y penser parce que si ouais. C'est comme ça depuis son enfance, ou peut-être qu'il s'était mangé une porte. Ouais, trop violemment. Ah mais j'avoue ouais. Que ça doit être perturbant parce qu'en plus les yeux, c'est ce que tu regardes en premier. Donc s'il y a un disproportionnement comme ça entre l'œil gauche et l'œil droit, c'est compliqué. Ah, c'est le truc que tu regardes en premier chez les gens, toi, les yeux. Là. Bah ça saute aux yeux, quoi. Enfin je sais pas, sur le visage, tu vois que ça. Ouais, c'est vrai. Non? Ouais. Bah, toi, tu regardes quoi, toi? Bah les yeux. Ouais, c'est ça, ouais. Tout ce qui est fesses. Ah d'accord. OK. Franck, merci de nous avoir appelé, Bichon, on t'embrasse. De rien. Bonne soirée, bon courage tout le monde. Il y a Fabrice de Lille aussi avec nous. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Ça va Fabrice? Ça va, ça va. Alors on t'écoute. Qu'est-ce que t'as vu toi comme particularité? Eh ben moi j'ai pas vu la porte, la particularité. Oula, qu'est-ce que t'as? C'est que j'ai pu. Il manque une oreille. Oh merde. Mais comment t'as fait ça? Comment? Eh ben, disons que l'oreille, elle est pas formée du tout. Mais c'est de naissance. Mais c'est dû à quoi, ouais? C'est de naissance. Ah, non, okay. Non, c'est de naissance. J'ai l'oreille qui fait comme une oreille de pitbull. C'est un bout d'oreille qui ressemble à rien. Mais du coup, est-ce que tu entends quand même de cette oreille ou elle fonctionne pas du tout? Non, parce que c'est tout un bordel. Le pavillon et tout le tralala, c'est mal formé. Donc j'entends, on va dire, pratiquement pas, quoi. Ah, mais du coup, vu que t'as grandi avec, en fait, finalement, t'es pas gêné? Bah non. Non, mais enfin bon, c'est une question, ça gêne un peu cet équilibre. Ah oui. C'est un peu chiant d'interpréter la situation. Mais en plus, Fabrice, ça me fait penser à un spectacle, un sketch de Florence Foresti qui disait: mais qui a inventé les oreilles? Parce que c'est vrai que c'est quand même la partie du corps qui est le plus chelou. Ouais, elle est bizarre. Oui, mais si tu veux, j'ai un côté, c'est Playmobil, quoi, j'ai pas d'oreille. Mais du coup, tu peux pas mettre d'écouteurs? Bah si, il m'en reste une. Oui, mais dans l'autre, il y a vraiment pas de trou, quoi. Bah si, il y a le trou, mais il n'y a pas de finition. Et ils ont oublié la finition ce jour-là, c'est pareil. Bichon, et juste avec les meufs, excuse-moi, ça se passe comment? Est-ce qu'elles bloquent dessus ou est-ce que ça se voit même pas? Enfin, quand on te regarde, on n'y fait pas attention? Ça doit passer. Ça passe, ça dépend. Ça passe pas, j'irais dire, parce que moi, je me rase le crâne, donc si tu veux... Ah oui, ça se voit. Ouais. Bah, d'accord. Oui. Et t'as une chérie? Oui, ça se passe bien, vu que le reste fonctionne bien. J'ai pas de perte d'équilibre ailleurs, ça va. D'accord. Bon bah écoute, si tu t'acceptes et que tout va bien, tant mieux. En tout cas, merci de nous avoir appelé. Hein. Bah oui, je sais, mais tu sais, il y en a qui feraient tout pour se faire opérer, il y en a qui voudraient pas en parler à la radio, il y en a qui seraient hyper complexés, tu vois. Donc toi, ouais, déjà. Mais après, la radio, c'est anonyme. Certes. Oui. C'est vrai. Et puis en plus, tu sais, au bout d'un moment, quand t'acceptes ta différence, tu vois, ça passe tout seul au final. C'est clair. Oui. Bon après, c'est un petit peu le regard des enfants. Des autres, ouais. Plus que des adultes encore, parce que moi, mais les enfants, c'est pas méchant. Parce que c'est plein d'innocence et voilà quoi. Ouais, ils s'interrogent, ouais. Ouais, on supporte beaucoup plus le regard d'un enfant ou la réflexion d'un enfant qu'un regard déplacé ou fuyard d'un adulte. Ouais, je comprends. D'accord. Bon, bah merci en tout cas de nous avoir appelés. Voilà. Et Fabrice, tu passes quand tu veux dans les studios, nous ne te fuirons pas. Je n'en doute pas un seul instant, je me mettrai un casque, comme ça je ne déparierai pas avec vous. D'accord, ça marche. On t'embrasse, Fabrice. Bisous. Bon anniversaire encore, Marion. Merci beaucoup, Bichon. Pépère au standard, est-ce que toi, t'as un défaut, un truc ou pas? Bah, Pépère, lui, il a un énorme défaut physique, c'est un gros noir et plein de poils. un grain de beauté, quoi. Non, le hamster de mon frère qui est sur le bout de ma bite, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ouais. Oh non, mais. À vous, au début, vous pensez aux sourcils d'Amir. Oui, c'est vrai, un peu, ouais. Et non. Il fait des fentes. Bon, ouais, il est farceur, hein. Dans un instant, sur Fabrice. Je peux lancer le disque? Ouais, si je te demande pardon et tout de suite, c'est quoi? C'est Zeko et Torres. Non, mec, rien à voir. The Chainsmokers. Strained, reaching out. I call your name, but you're not. now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. Marion et Anso, le Night Show, bah c'est tous les soirs du dimanche au jeudi, 22h minuit. Et si jamais vous voulez aller voir sur notre chaîne YouTube, là, on vous a mis une petite vidéo bien sympathique. C'est toutes les pratiques sexuelles les plus cheloues qui existent. Ah on a fait ça hier, un quiz. Alors l'équipe, ils en revenaient pas. Non mais attends, mais on a appris des trucs de dingue. Il y a des gens qui font... qui trempent des bouts de pain dans des substances cheloues. Ah. Voilà, il y en a même qui trempent bah, leur tub dans de la panure. Et d'autres qui se mettent des statues dans le yonf. Voilà, c'est sympa. On y va, on va voir. Interdit au moins de 18, évidemment. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du... Je te demande pardon sur Fun Radio. Si vous avez des excuses à donner à quelqu'un, et ben ça se passe sur Fun Radio. Marion et Anne-Soir@funradio.fr. Et qu'est-ce qu'on gagne dans le Je te demande pardon? Une télé LED 32 pouces, madame. Elle est cool. Oh, hey, je l'ai vu, mal. Je suis passé devant les bureaux tout à l'heure, il y avait les télés. Elles sont super belles. T'es un gros mytho. À quel moment il y avait des télés dans les bureaux? Non, mais c'est clair. Ah, mais ils ont reçu les cartons avec les cadeaux. Et t'as ouvert le carton et t'as vu la télé. Ah, j'ai vu un carton avec une photo de télé. Voilà, c'est ça. Mytho. Et c'est Julien qui a un truc à se faire pardonner ce soir. Bonsoir, Julien. Salut Marion, salut Anso, salut les filles, salut tout le monde. Salut. Ça va, Juju? Salut, mon pote. Ça va, ouais, ça va. Ouais, moi j'ai appelé, en fait, je voudrais me faire pardonner, en fait, par rapport à ma copine, qui m'a offert une montre. Mmh. Et je l'ai revendue, en fait, pour acheter une PS4. Quoi. Oh mais, non. Sauf qu'elle est pas au courant. Quel Julien, mais à quel moment, qu'est-ce qui t'a mis l'idée en tête de faire ça? Bah, j'avais trop envie d'une PS4, et le truc, c'est que j'ai plein de potes qui jouaient sur PS4, et moi j'avais la 3, quoi. Et... Mais elle était dégueulasse, la montre? Non, bah justement, c'est pour ça que j'ai pu acheter une PS4 en fait, mais. Ah, mais c'est horrible, mais elle s'en est rendue compte là ou pas? Bah non, elle sait pas en fait, là pour l'instant elle sait pas, mais. Mais moi, et franchement, ce serait pour moi un vrai motif de rupture, hein. Je le prendrais hyper mal. Moi aussi, je trouverais ça horrible parce que comme on dit, c'est l'intention qui compte, peut-être qu'elle a mis du temps à la choisir, elle a économisé et tout, et là tu lui fais ça, non mais c'est horrible. Elle a mis tout son petit cœur à l'intérieur de cette montre, quoi. Bah ouais. Ça se trouve, elle s'est même fait une chirurgie pour mettre un vrai bout de cœur dedans. Ça, tu le sais pas, Julien. Ah ouais, non, c'est pas bien, Julien. Ouais, je sais bien, je sais bien. C'est pour ça que je viens de faire pardonner, quoi. Bon, alors, comment elle s'appelle, ta copine? Elodie. Elodie. On l'appelle, mais nous, on est chonchon, on n'est pas content. Ah, moi, je serais pas contente du tout. Surtout que pour s'acheter une PS4, ça vaut combien une PS4? 400 balles? Ouais, 400 balles. Ah, t'imagines la montre? Ah non. Je suis outré. Allô? Allô? Oui? Ouais, Chouchou, c'est moi. Oui, ça va? Ouais, ça va. Oui, toi. Ouais, c'est vrai. Comment je vais t'appeler? Parce que je vais te parler d'un truc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, peut-être, je te rappelle, tu m'avais acheté une montre pour mon anniversaire. Là. Oui. Et donc, du coup, je t'avais dit que je l'avais. Que tu as reçu? Ouais. Ouais, voilà. Et en fait, en fait, le truc, c'est que je l'ai revendu, en fait. T'as quoi? Je l'ai revendu pour acheter une PS4, en fait. T'as revendu ta montre? Ouais, bah oui, mais je voulais pas te le dire, mais... Bah oui, mais tu sais que j'avais économisé pour te l'acheter, pour te faire plaisir. En fait, tu vends après pour t'acheter la PS4, d'accord. Sur le stade bizarre aussi, mais... Bah ouais, donc voilà, je voulais... Comme ça me faisait... Bah voilà, je voulais te le dire, quoi, je voulais pas te cacher, donc... Bah non, mais ça fait déjà un petit moment que tu me dis que tu sais plus où qu'elle est, et puis en fait tu l'as vendue, donc tu savais très bien que j'en avais fait, quoi. Ouais. Ça te faisait plaisir, pardon. Alors je comprends pas pourquoi tu... Bah non, parce que je voulais... je voulais la montre, et puis bah en fait, comme était, tous les autres, tu jouais sur la PS4, et... Bah moi je l'avais pas, donc après, bah comme... Ouais, bah j'aurais préféré que tu me dises, oui. Ouais, bah, excuse-moi, quoi, voilà, je voulais te le dire. Et tu pourrais pas me le dire devant moi au lieu de m'appeler pour ça? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et ouais, super c'est... réaction, moi j'aurais pété un plomb quoi. Ouais, c'est une beurre. Elle est gentille, elle est compréhensive, elle gueule pas. Franchement, t'as de la chance. Hein. C'est qui? Ah oui, là, ça va se corser. En fait, bonsoir Elodie, je m'appelle Anso et je suis la maîtresse de Julien. Non mais... C'est bien ça la technique là. Pour désamorcer après, on annonce le pire. Voilà, exactement. Très bien. Mais non, tu es en direct sur Fun Radio, Elodie. C'est Marion et Anso. D'accord, mais il a quand même fait vendu sa montre. Oui, il a quand même vendu sa montre, mais il voulait s'excuser avec nous parce qu'il est pas fier. Et nous non plus, on n'est pas fier de lui. Hein. On lui a dit c'est pas bien. Non, là c'est pas bien. Ouais. Il est tout péteux, comme on dit. Mais toi, t'es adorable. Tu le prends plutôt bien. Bah bien, oui. Je pense que quand je vais le revoir après. Bah franchement, nous on lui disait avec Anso, si ça nous était arrivé, on aurait pété un plomb. Mais déjà il le dit, mais c'est vrai qu'après. Mais à la fois, j'ai une question, Julien. Pourquoi t'as pas demandé une PS4 directement à ta meuf? C'est plutôt ta montre. Ouais, je préférais la montre. Et puis après, c'est vrai qu'en fait, à ce moment-là, les potes étaient beaucoup sur la PS4. En fait, c'est un mois après qu'ils se sont mis. Et puis, c'est le seul moyen pour. Et après, c'est nous les meufs, les indécises. Une belle preuve de maturité, en tout cas, Julien. Bon, Elodie, c'est pardonné ou pas? Oui, parce que je l'aime quand même. Mais après, son geste, c'est pas terrible. Mais. Ok, écoute, t'es une bête, t'es gentille. Merci. Pas de soucis. Il va voir quand je vais le revoir. Tu préfères te laisser marcher sur les pieds, c'est ton problème, Elodie. Fais ta victime, Elodie, y'a pas de soucis. Quand je vais le revoir. Les meufs qui foutent la merde. Bon, et en tout cas, Julien, bravo, c'est gagné. Bravo. Yeah, ouais, cool. Yeah, bien joué, mon gars. Bravo. Bah oui, t'as eu le courage et l'honnêteté de le faire à la radio. En plus, elle a pardonné. Donc voilà, la télé LED à la maison, c'est pour vous deux. Et tu la revends pas? Non, ouais, non, il va la garder. Non, il va l'utiliser pour jouer à la PS4 et ils vont plus jamais se revoir, quoi. C'est clair. Ça pue la rupture, votre histoire. On vous embrasse. Bisous, merci. Bisous, les chéris. On Salut. Vous embrasse. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va vous faire passer un test pour savoir si vous êtes un bon coup ou non. Oui. Et on va le faire aussi, on va le tester avec l'équipe. Là, si vous voulez participer, 01 42 48 5000. On parle de Fionfion avec vous dans un instant, juste après le tout nouveau Mickaël Canitro sur Fun Radio. Alors, lui, c'est un beurre. Hein. Oh, on adore. Oh, friend, you took the heart out of every bit of my soul. Go ahead, poison my veins, but you'll never stop the blood flow. But you just gotta let me know, you gotta tell me yes or no. Give me a sign before you go. Oh, oh, oh, oh. But you just got to let me know, you gotta tell me yes or no. I'm just a sucker for your love. rejoindre, vous êtes sur Fun Radio, on est encore en direct avec vous, la Marion et Anso jusqu'à minuit, et c'est l'anniversaire de Mario demain. Mario, donc. Oui, si tu veux aussi, hein, Mario. C'est l'anniversaire de Marion demain. Mais comme nous serons tous à Ibiza avec toute l'équipe de Fun Radio, on s'est dit qu'on allait lui faire des petits clins d'œil ce soir. Et donc là, je te propose de réécouter un moment. Oh non. Un moment où j'ai pris un énorme fou rire, où, bah, je sais pas, t'as voulu annoncer un invité dans cette émission, mais avec un espèce d'accent écoute. Oh non. Et d'ailleurs, on va recevoir tout à l'heure une maraboute. Voyante. Bah alors une maraboute. Ça marche. Non, mais pourquoi tu l'as dit de manière pesante, une maraboute? Une maraboute, je sais pas, parce qu'il y a des cochons dans ce studio et que ça m'inspire. Donc ne cherchez pas pourquoi il y avait des cochons, il y avait des marabouts et donc des maraboutes. Donc ça, c'est la première chose. Oh et alors là, on passe à un truc que vous n'avez jamais entendu sur l'antenne. C'est des choses qu'on a récupérées parce que les micros enregistrent aussi dans le studio. Et donc ça, c'est des choses qui n'ont jamais été diffusées à l'antenne. Arrête. Attention, instant de gêne, on écoute tout de suite. On en parle juste après David Guetta. Et réfléchissez l'équipe, hein, si vous donnez des surnoms à vos teubs, à votre petite chat. Mais t'es dur. Voilà. Oh non, c'est horrible. Et c'est puis il y en a un dur. Autre qui est magnifique. Alors celui-là, c'est le top du top. C'est quoi? Vas-y, écoute. Moi, j'adorerais que ma mère suce encore mon père, mais je sais qu'il se passe rien. Oh merde, les gars, vous abusez, c'est pas bien. En plus, je crois qu'ils écoutent alors, ce soir. Ah merde, parle-nous-en alors justement. Non, mais j'avais dit ça parce que j'adorerais qu'ils aient une vie sexuelle épanouie encore, tu vois. Oui, mais t'aurais pu le dire comme ça, joliment. Ouais, mais vrai. Pas de cette façon-là, tu vois, par exemple. Oui, bah tu me connais, c'était hors antenne. Excuse-moi, mais toi, on parle de ce que tu dis hors antenne? Non, bah non. C'est ouais, mais pas c'est pas son anniversaire. D'accord. Voilà. Et qu'il envoie la pub, évidemment, à ce moment-là. Bon, dans un instant, on va vous révéler si vous êtes un bon coup ou non. On va faire un test avec vous, là. 01 42 48 5000 pour savoir si vous êtes un bon coup ou non, bougez pas. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Salut, c'est Bruno. Bonjour, c'est Vacher. Salut, c'est Christina. Salut, c'est Elliot. Bon, bah voilà, jeudi et vendredi, on est en direct d'Ibiza, quoi. Ouais. C'est loin. C'est pas un peu triste la façon dont on le dit, peut-être ou... Ouais, mais c'est parce que pour les gens qui parlent pas, on veut pas leur mettre les boules, quoi. C'est ouais, pour ouais, ça. C'est... Voilà. Rendez-vous jeudi et vendredi. Au revoir. On paraît. Les gars, je crois que le micro est toujours allumé. Faites ah, ça. Oui, enfin on part, il est bizarre. Enfin, on part quoi. C'est cool, fait pas bon. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. This is the sound of Party. Samedi soir, à la discothèque Le Rhino à Saint-Laurent-Nouan, dans le Loir-et-Cher. Salut tout le monde, c'est Mikosé. Ce week-end, on fait la teuf ensemble. Je débarque à la discothèque Le Rhino à Saint-Laurent-Nouan dans le Loir-et-Cher, alors je compte sur vous. Party Fun Club by Mikosé à la discothèque Le Rhino à Saint-Laurent-Nouan dans le Loir-et-Cher. Un événement Fun Radio. Le son Dance Floor. Plus d'infos sur funnight.fr. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio présente. Nils Van Zandt. Samedi soir, à la discothèque le 18-10 à Saint-Etienne. Let's go. It's Nils Van Zandt on Fun Radio. Venez faire la fête sur le meilleur du son dance floor avec le DJ Fun Radio Nils Van Zandt qui vous mixera tous les tubes de Party Fun. La première émission dance électro en France le week-end. Party Fun Club by Nils Van Zandt au club 18-10 à Saint-Etienne. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Plus d'infos sur funnight.fr. Sur Fun Radio, départ pour Ibiza. We're going to Ibiza. J-1. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Bye. And I don't like talking to strangers, so get the f*** off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go ape, say f*** out of all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. Ooh, it's just me, myself and I. Solo ride until I die, cause I got me for life. Got me for life. My soul. I laid awake, pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now, yeah, it's no debate. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die, cause I got me for life. Got me for life. Ooh. Yeah. Fun Radio. Et ce soir, on va vous permettre de savoir si vous êtes ou non un bon coup. Vous allez pouvoir faire le test à la maison, là, même si vous passez pas à l'antenne. Toute l'équipe va le faire aussi. Mais avant, j'ai envie de connaître vos impressions. Anso, par exemple, est-ce que toi, tu te juges bon coup ou tu penses que t'as des progrès à faire ? Non, moi, je pense que je suis pas trop un mauvais coup. Après, je pars du principe aussi, on est tout le temps le mauvais coup de quelqu'un. Ça peut pas matcher à chaque fois, tu vois ce que je veux dire ? Elle est philosophe, celle-là. C'est non. Beau. Non, j'ai simplement beaucoup niqué. Non, mais non. Cela dit, tu as raison. Ça ne peut pas matcher avec tout le monde. Ça matche pas, parfois c'est pourri, hein, et on sait pas pourquoi, tu vois. Donc... C'est vrai, et c'est pas forcément de notre faute, c'est juste qu'il n'y a pas le feeling. Ouais, exactement. Toi, Marion, comment tu te juges ? Comment tu te jauges par-ci par-là. Bah écoute, je pense que oui, comme toi, je pense être un bon coup. Même si je pense que pour certains, je suis plutôt chiante parce que moi, je fais pas tout. Ah non, tu peux pas dire ça, t'es pas chiante. Bah, qu'est-ce que tu fais pas par exemple ? Je fais pas la sodomie, je suis pas très cunie. Puis bon, une branlette, ça ouais, me saoule. Bon, bah t'es chiante. Non, mais voilà, c'est le minimum. Mais toi non plus, tu fais pas tout. Non, mais bon. Bah voilà, c'est pas pour ça qu'on est nuls. Non, oui, effectivement. C'est juste qu'on n'a pas des affinités pour toutes les pratiques, quoi. Exactement, les garçons dans l'équipe, vous pensez beaucoup, bon coup ou pas ? Normal en fait. Ouais, normal. Oh, rien de fou. Ils sont complètement modestes. Et toi, Mano ? Bah ouais, pareil, personne ne s'est jamais plaint, donc bon. D'accord. Est-ce qu'elles étaient consentantes et conscientes aussi ? Ça, c'est moins sûr. Bon, on va voir ce que ça donne. On a une auditrice qui nous a appelé là au 01 42 48 5000 pour faire le test. On l'a préparé, on a trouvé plein de questions sur internet, on a fait un petit regroupement de tout ça. Et on va vous dire si vous êtes ou non un bon coup. Et ouais, et c'est Clara de Pau. Bonsoir, Clara. Hello, l'équipe. Hello. Ça va ? Ça va, vous ? Ouais, très bien. Alors toi, déjà, à vue de nez comme ça, tu dirais que tu te classes comment ? Bah, j'ai quelques petits doutes, mais auparavant, aucun de mes mecs ne s'était plaint. Ouais. Jusqu'à un très récemment. Du coup, je me suis un peu remise en question, quoi. Mais comment ça ? Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Bah, elle m'a dit que j'étais frigide, que je faisais rien, alors que j'en avais pas l'impression. Ah, quand même ? Oui, c'est un méchant chat, lui. Frigide, c'est fort comme mot, hein. Bah ouais, mais personne s'était jamais plaint avant. Au contraire, on me disait que des compliments. Donc bah ouais, peut-être. Je sais pas. Du coup, je me suis un peu remise en question, quoi. Comme Anso le dit, on est tous le mauvais coup de quelqu'un, et c'est peut-être juste que ça matchait pas avec lui, qu'il attendait autre chose. Tu vois, on peut pas avoir le feeling avec tout le monde, hein. Ça c'est clair. Mais bon, du coup, bah autant faire d'une pierre deux coups et faire le test, hein. Alors après, le test, c'est pas non plus. Si jamais on te dit t'es un mauvais coup, il faudra t'en remettre. Hein. C'est qu'un test. Hein. Oui, okay. Non, ça, je m'inquiète pas. Ma vie ne sera pas finie après ça. Bon, en tout cas, vous pouvez le faire à la maison. Là, si vous êtes chez vous, dans votre lit, vous sortez le téléphone. Il y a juste à noter à chaque fois réponse A, B ou C. Après, on fera le calcul. Okay. Si vous êtes en voiture, faites attention quand même. On est d'accord, on veut pas d'accident. Évidemment. Et toute l'équipe, vous jouez. Okay. Ok. Alors, chérie, les mecs, tu les cherches A, en soirée, B, sur Tinder, ou C, tu les attends? Non, attends, c'est en soirée. En soirée, ok. Pour toi, être en couple, c'est A, être heureuse et s'amuser, B, avoir un sextoy gratuit, ou C, l'espoir d'une belle vie? J'irai la réponse A. Ouais, c'est bien, ça. Être heureuse et s'amuser, ok. Tu embrasses, réponse A, plutôt bien, personne ne s'est jamais plaint. Réponse B, comme une déesse, tu t'excites toi-même en embrassant. Ou réponse C, comme quand t'avais 6 ans, des petits smacks par-ci par-là. Non, réponse A. Réponse A, pour l'instant, on est sur du A. Oli, réponse A, c'est cool. Réponse B, tu vas voir sur internet ce qu'il est possible de faire. Ou réponse C, tu laisses en général gérer le mec. Réponse B. Tu vas voir sur internet ce qu'il est possible de faire. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais, genre Clara, quoi? J'ai demandé des conseils sur internet pour plein de choses, hein, mais bon. Ah d'accord. Ah ouais, c'est marrant ça. Pourquoi pas. Niveau cul, Clara, t'es plutôt A, normal, tu fais des trucs foufou que pour les grandes occasions. B, à fond, tout ce qui est phallique, tu joues avec, peu importe le trou. Ou C, timide, t'espères qu'il va pas trop te toucher non plus pendant le missionnaire. Non, normal, A. Normal, et les trucs foufou pour les grandes occasions. Voilà, c'est ça. Ok. Si un mec veut que tu prennes les dessus au lit, réponse A, allons-y, on verra bien ce que ça va donner. Réponse B, top, il va voir qui je suis. Ou réponse C, tu préférerais lui faire un clafoutis? Non, B. Top, il va voir qui je suis. C'est vachement bon un clafoutis. Ouais, mais bon. Question 7. Ta plus grosse perf sexuelle, c'est A, l'autre soir quand on a tenté la sodomie. B, un gangbang avec 3 Renois, 4 Mexicains et 7 poneys. Ou C, cet été quand il t'a touché les seins dans la piscine? Non, réponse A. Ah, donc t'as quand même fait la sodomie? Oui. D'accord. J'avais demandé des conseils à internet. Alors, du coup, je vais faire le calcul, tout cela, vous allez le faire dans l'équipe aussi. Tu as exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 A pour 2 B. Donc, une majorité de A, tu es une meuf basique. C'est-à-dire que tu aimes bien le cul, t'es un coup normal. T'es pas une meuf qui fait des perfs, mais t'es un coup normal. Bah écoute. Maintenant j'ai envie de savoir pour Anso. Moi j'ai 4, j'ai 3 A et 4 B. Ah alors toi t'es une putain de chaudasse du fion. Majorité de B, ça veut dire que t'es complètement à fond et que tu aimes ça à fond. Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'équipe qui ont plus de B ou de C? Non. Hein. Moi c'est A. Toi bon bah t'es basique. Et toi Mano? Ouais, 4 A, 3 B donc. Et toi Enzo, standard? Pareil. D'accord, bon ça va, on n'a pas de C. Le C clairement, bah pour toi le sexe c'est comme un repas chez la grand-mère là. Si vous avez une majorité de C chez vous, c'est pas terrible. Ouais, c'est ouais. Pas ouf quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas trop branché là-dessus quoi. Mais Clara, est-ce qu'il y a quelque chose de dingue, mais vraiment de dingue au lit que t'as jamais tenté et que t'adorerais essayer? Pourquoi pas un plan A3, un C4? Ah ouais, bah non, mais on n'est pas sur une nana coincée quoi. Bah attends, après tu peux avoir des envies, des fantasmes et pas être doué, hein. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, il a traité de frigide son ex, ça n'a rien à voir. Mais Clara, avec deux mecs ou deux meufs? Ah bah ça, l'avenir le dira. Je suis pas farouche, hein. Ah, ouais, bah, et je ne me fais pas de soucis pour toi. Hein. Et t'es célibataire là en ce moment, Clara? Oui, j'ai rompu avec le mec qui disait que j'étais frigide. D'accord, elle habite à Pau. Appelez-nous 01 42 48 5000 si vous voulez passer un bon week-end avec Clara. Grave, ça peut être pas mal. Bon, en tout cas, Clara, t'as rien à craindre, tout va bien de ton côté, ok? Ok, merci. Allez, on t'embrasse. On t'embrasse, ma Clara. On t'embrasse, bisous. Bisous. Et Pépère, on lui a pas demandé si c'était un bon coup, qu'est-ce qu'il en pensait de ses performances. Pépère, lui, c'est un putain de coup, les filles. Hein. Les filles, ils crient à chaque fois tout le temps. Elle crie de bonheur? Bah de douleur après leur avoir déchiré l'hymen. Oh mec, non, c'est pas possible. Oh, t'as déjà déchiré l'hymen toi? Non, personne n'a fait ça mec, t'es un malade. Bah si. T'as pas une autre vanne Pépère? Non, si, mais j'en ai ouais. Une autre. Vas-y. Bah en fait c'est... je prends un avion pour aller à Ibiza. Ouais. Et là devinez qui je vois? Qui? Bah une hôtesse de lait. D'accord, merci Pépère. Je vais passer à autre chose, tu veux bien? Ouais. Pas de soucis. Hein. On va passer aux devoirs pour dimanche, parce que vous le savez, tous les dimanches, normalement, on fait les devoirs du night show, mais là, on les a un petit peu modifiés, tout ça, parce que forcément, tout le monde est en vacances. Exactement. Okay, du coup, petite particularité, c'est gratos, ça va concerner Anso et Amir. Pourquoi nous deux? Mais ouais. Parce que c'est moi qui ai décidé. Vous avez bossé? Vous avez une idée, vous, pour dimanche? Bah non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on est à Ibiza. Moi, j'ai pas envie de taffer à Ibiza, quoi. Si, écoute, moi, j'ai envie de taffer, il y a quoi? Ça va vous plaire. Le principe est simple. Comme on part à Ibiza demain, qui est la ville des DJ, vous allez devoir taffer. C'est-à-dire que Amir, toi, tu vas jouer au DJ et Anso, tu vas jouer au MC. Tout ça de façon bien ringarde. En gros, Amir, tu vas devoir préparer un mix de musique de merde, danse des canards, les sardines, la chatte à la voisine, tout ça. Et Anso, toi, tu feras la foraine à côté pour les annoncer. Je vais devoir mixer sur du... Oui, enfin, ouais. On parle de 1 minute 30, hein. On fait un petit mix avec Anso qui t'ambiance à côté, la MC du groupe, quoi. D'accord, mais vous serez avec nous et vous allez nous ambiancer et tout, quoi. Ah bah oui, on sera dans le studio, on vous suivra. Et alors toi, j'ai hâte de te voir dans ce rôle, Babel. Ouais, donc il va falloir que je taffe, quoi. Ouais, il faut taffer. Ok, ça vous va? On relève le défi, tu sais pourquoi? Tape dans ma main. Bah parce qu'on n'a pas le choix, mec. Non, on n'a pas de séquence dimanche. Exactement. Bon, on va vous laisser, on va vous dire qu'on vous aime très fort et que demain matin, on va prendre l'avion très tôt, donc on va pas beaucoup dormir. Oui. Et qu'on fera peut-être. Et pourquoi on ferait pas des live vidéos sur notre page Facebook? Ça y est, on peut faire. La page, j'allais vérifier maintenant. Voilà, et on peut faire. On peut faire. Qui lui arrive, lui? Et certifié, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on fera ça. On fera ça, on fera des snaps, on sera sur Twitter, on sera partout, on va essayer de vous faire vivre au maximum ce week-end. On vous rappelle les défis snap que vous nous avez donné. Les trois garçons, Mano, Enzo, Amir, vont devoir faire un bain de minuit tout nu. Oui. Et moi, je vais devoir aller draguer le maximum d'espagnols. Voilà. Donc, autant vous dire que je vais encore ressortir bredouille de ce week-end. Mais je serai avec toi, t'inquiète pas. Merci, c'est gentil. Et puis, si vous voulez nous retrouver, bien sûr, si on vous manque, sur nos chaînes YouTube, Marion et Enzo et Marion et Enzo Gaming. Et puis, tout de suite, on retrouve Adrien Thomas, c'est ça, hein? Oui. Adrien Thomas, Party Fun jusqu'à 1h du mat. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous aime et on sera en direct. Dimanche soir, dès 22h, ce n'était pas la dernière de la saison. Non. Mais non. On termine en chanson? Et donc, il est minuit une, tu ne souhaites rien, toi? Oh, mais oui, bon anniversaire! Bon anniversaire! Ah, bah quand même, Babel! Hein. Alors, bon anniversaire de Dadder! Merci beaucoup! Allez-y, souhaitez l'anniversaire de Marion avec le hashtag le Night Show. Voilà. Ouais. Oui! Parce que si ça peut nous servir pour faire un TT dans l'année. C'est vrai qu'il faudrait penser à en faire un, les gars! Ça pourrait être pas mal. Bon, merci beaucoup, merci pour les surprises. C'était une super soirée, même si vous m'avez humilié à plusieurs reprises. Les cupcakes, qui remercie encore Amir parce que c'était très bon. Cakeway.fr, vous allez dessus si vous voulez des cadeaux stylés, enfin des gâteaux, pardon, stylés. Ouais. Fait maison et en plus à côté de chez vous. Et franchement, c'est bien fait, c'est hyper design et tout. Merci beaucoup. Et juste avant de vous quitter, soyez bien là demain entre 16h et 20h, puisque nous allons fêter l'anniversaire de Marion chez JB. Oh là là, avec du défi et du grand n'importe quoi. Donc soyez bien là demain après-midi sur Fun Radio. Ok. Termine en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? Voilà. On était content d'être là. Merci beaucoup. De rien. Receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Fun. Dance. Electro. Adrien Thomas. Mix. Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Fun Radio, c'est Adrien Thomas, Party Fun jusqu'à 1h du matin avec ce soir vos nouveautés. Vous allez me dire ce que vous voulez écouter, super simple avec le hashtag Party Fun sur Snapchat également. Mon pseudo c'est Adrien Thomas, T-O-M-A, on discute. Dites-moi si vous êtes en vacances, si vous avez encore passé des épreuves. Je sais qu'aujourd'hui il y en a plein qui ont passé des épreuves. Donc je souhaite que du bonheur. On va se faire plaisir jusqu'à 1h avec Martin Solveig, avec Bob Sinclair, French Power, Mike Posner version exclue. Et puis on démarre avec le morceau le plus joué dans tous les clubs de France en ce moment, c'est Deoro et Bailar. Bienvenue dans la première émission Dance Electro de France. Party Fun sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Levanto! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Mío sevillana, la van a envidiar. Baila como diosa, si no votas. Fun sur Fun Radio. Fun Radio. Avec Adrien Thomas sur Fun Radio. Try it. Fun Radio. Run that track. just my kicks, they cost a stack. Run that. Run there. Run there. Run there.